roller coasters. Holy roller. I got shot down in Southern California. All along you never loved me, yeah. Until the day that you shot me off. And now when it's over, I hope that you find what you after, yeah. Are you having a good time? Nothing I can do about it. Spending money never matter, no. As long as daddy paid the damage, yeah. And now that you're living on the hill, I hope that your social life doesn't get you killed now. Are you having a good time? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la dernière édition de l'E3, le grand salon du jeu vidéo. Nous allons revenir notamment sur les différentes conférences qui ont eu lieu aussi bien du côté des constructeurs, Microsoft, Sony, Nintendo, que du côté des éditeurs, à savoir Electronic Arts et Ubisoft. 15 jours que les portes du Convention Center se sont fermées et cela nous a permis d'approfondir les tendances de ce dernier salon que nous évoquerons juste après. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul puisque mon binôme habituel est là. Bonsoir Tonton. Hey. Tu vas bien? Ça va. Pareil pour cette première émission de 2014 dédiée aux jeux vidéo. Oui, tout à fait. Exactement. Mais évidemment, nous ne sommes pas tout seuls, hein, et pour nous accompagner, nous avons l'honneur d'accueillir le fils spirituel d'Yves Guillemot par la voix, à savoir Chino. Bonsoir Chino. Hey. Comment Thank tu vas you. Thank you. Ça va très bien. Et vous? Ton accent, ton anglais avec un accent français est delicious. Ah, thank you very comment, much. Comment va Aïcha? Fine, very good. Elle va bien, merci. She's fine. Ok. Bon, très amazing. Bien. Amazing. Pardon, je cherchais le mot, voilà. Alors, on va revenir d'abord très très rapidement sur les conférences parce que les jeux ont été présentés, détricotés, on va dire, en long, en large et en travers par les différents médias de jeux vidéo, donc c'est pas forcément intéressant non plus nous de faire la liste de tous les jeux qui ont été présentés lors des différentes conférences. Mais on va s'arrêter sur ce que chacun a pensé des conférences en elles-mêmes, et puis sur les différents jeux, les gros jeux ou les surprises qui ont pu être annoncées lors de ces différents événements. Donc toi, Chino, d'abord, parce qu'on va commencer, on va suivre l'ordre chronologique des conférences. On va commencer d'abord par la conférence Microsoft. Mm-hmm. Est-ce que tu as pensé, toi, d'un ordre général de cette conférence? C'était plutôt pas mal. Je veux dire, ça a parlé quand même beaucoup, beaucoup de jeux. Que de ça, en fait. Ça a été très, très axé sur les jeux. On n'a pas eu le passage habituel à ESPN, j'appellerais le passage ESPN avec la présentation. TV. Bah là, même l'année dernière, il me semble qu'ils n'avaient pas fait vraiment. Ils avaient dû le faire peut-être plus sur les services, en fait, qui arrivaient sur Xbox One. Mais là, cette année, on a vraiment que du jeu. Il y a peut-être eu le petit passage avec Halo, où ils ont quand même fait un petit laïus sur la série. Ils ont annoncé. Je crois une série, je sais plus si c'est une série live. C'était déjà le cas, parce que je crois que c'était déjà le cas l'année dernière, ils ont juste dit. Là, ils ont continué à travailler dessus, évidemment. Voilà, ils ont annoncé un petit peu d'études. Après, Halo, c'est leur grosse. Oui, c'est vraiment la grosse IP. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont annoncé le Master Chief Collection avec. On en parlera juste après. Voilà, exactement. Mais sinon, sur l'aspect de la conférence, sur le déroulé, c'était plutôt. C'était intéressant. Après. Il n'y a pas eu de big surprise, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de choses énormes qui nous ont décroché la mâchoire. C'était une conférence bien, mais peut mieux faire, quoi. Le truc qui a décroché la mâchoire, c'est Assassin's Creed Unity, où c'est la première fois qu'on le voyait en jeu. On le voyait, voilà. Mais c'était connu, quoi. C'était pas. C'est pas une annonce. Mm-hmm, voilà. Il y a eu deux, trois petits trucs sympas, genre. Le passage sur les indés où il y a eu Ori et je sais pas. Cuphead. Cuphead, c'était dans. C'était Sony. C'était chez Sony, oui, non? Non, c'était chez Pardon. Microsoft, messieurs. Le jeu inspiré des dessins animés des années 30, voilà, c'était. Ouais, donc des petits trucs sympas qui étaient pas connus. Mais c'est clair que c'est pas le mégaton de la conférence, quoi. Il n'y a pas eu de mégaton énorme, je veux dire, même. Le dernier jeu qui a été annoncé, c'est Crackdown. C'est pas une licence qui était, du public Microsoft, ça a quand même un certain impact, mais c'est pas l'impact d'un Gears of War ou d'un Halo ou d'un nouvel Halo. Il y a eu la nouvelle IP de Platinum Games. On a juste vu un trailer et on sait pas grand chose. Scalebound. Scalebound, exactement. Scalebound, je crois, mais Et on sait c'est pas ça, grand ouais. chose, mais on sait juste que du coup, PG vient bosser chez Microsoft. Voilà, exactement. Mais c'était une rumeur qui courait depuis quelques temps, et là, ça s'est confirmé en fait. Platinum Games qui mange à tous les râteliers, parce que nous n'oublions pas, c'est sur eux également qui. En même temps, de Bayonetta 2. En même temps, faut bien manger. Leur jeu ne se vend pas, donc faut bien qu'ils trouvent des mécènes. Oui, c'est sûr. Voilà. Notamment, on a appris aujourd'hui qu'ils s'occupent du développement d'un jeu basé sur la licence Legend of Korra. Exactement. Ouais. À savoir Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais, parce que ça peut être sympa pour le coup. Exactement, ouais. Ceci dit, alors. Parlons, est-ce qu'il y a des jeux vous, en particulier qui vous ont. Voilà, on a vu, il n'y avait pas d'énormes surprises, mais on a vu notamment, alors peut-être, du coup, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Assassin's Creed Unity. Ouais. Déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est assez cool, entre guillemets, de la part d'Ubisoft, c'est de le vendre uniquement sur PC, PS4, Xbox One, alors que d'autres jeux qui ont été présentés à côté, je trouve que c'est rare encore les jeux qui sont disponibles uniquement pour la next-gen. Bah après il faut bien à un moment ou un autre lancer la next gen, quoi. Je veux dire, si pendant 3-4 ans tu continues à faire du jeu Xbox One, PS4, PS3, Xbox 360, quand est-ce qu'elle est lancée, quoi. Je veux dire, par exemple, un Call of Duty le prochain Advance Wars sera proposé sur 5 supports différents, dont la PS3 et la Xbox 360. Mais pour la première fois, ils changent de moteur. Enfin, je sais pas s'il évolue vraiment le moteur apparemment pour la next gen, c'est ce que j'ai compris. Mais ça se voit techniquement, ça se voit. Oui, voilà, ça se voit. Mais sinon, oui. Bah, après, je sais pas comment ils vont faire pour le convertir sur les plateformes. Oui. Enfin, current gen, ou même maintenant. Ils vont downgrader. De toute façon, on a eu l'exemple il y a peu avec Titanfall notamment. Mm-hmm. Pas mal de jeux qui sont développés en lead sur PC Et voilà. Downgradé pour la PS4 et la Xbox One, coucou Watch Dogs. Ça va être et qui sont redowngradés pour la PS3 et la 360. Mmh. Mais donc, revenons, excuse-moi, je te coupe revenons à nos moutons avec donc Assassin's Creed Unity. Alors, il y a beaucoup qui, la démo a été quand même assez bluffante techniquement parlant, puisque il y a déjà eu ces effets de foule, le monde qui était présent, le côté aussi multijoueur qui est. Il a l'air d'être encore bien pensé sur le jeu. Bah, ça va être surtout très concentré sur le multijoueur, sur la coop. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un Assassin's Creed qui va être. Il me semble qu'il y avait déjà façon des parties coop sur les anciens. Je sais plus trop. Mais il y avait déjà du multi très très bien pensé. Mais c'était du multi compétitif. C'était du versus. Est-ce qu'il y avait du coop sur les anciens? Il me semble pas. Ouais, donc c'est la première fois qu'ils font du coop sur un Assassin's Creed, et apparemment ça va vraiment ça va être concentré là-dessus, puisqu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de versus sur cette version. À moins que plus tard un DLC en rajoute un mode versus. Ça, on sait pas, mais pareil, sur cet Assassin's Creed, il n'y aura pas de mode versus. Donc, et on peut peut-être parler aussi du fait que ça va se dérouler pendant la Révolution française. Bah oui. Ce que beaucoup attendaient, Dis des noms, vas-y, qui attendait ça? 5 ans. Voilà, c'est un peu au bout d'un moment, quand tu l'annonces pendant 5 ans, à un moment ça va tomber, quoi. Ça tombe, ouais. C'est ça, en fait. C'est pas bête. Après, c'est assez bizarre. C'est toujours intéressant, mais on passe du pirate à la Révolution française. C'est le concept de la série en même temps, hein, je veux dire. C'est pas faux. C'est le concept de la série, hein. Surtout en plus quand tu vois le background qu'il y a, c'est normal. Ouais. Bah là, voilà. Ça annonce un jeu très très fouillis. Enfin, très fouillu, pardon. Je sais pas comment. C'est un mix entre fouillé et couillé. Voilà. Laissez-moi tranquille. Non, mais il y a vraiment de quoi faire un background vraiment, vraiment très intéressant et assez énorme, quoi. Plus que le 3 ou le 4, par exemple, où c'était un petit peu moins. Moins riche, je pense. Et du coup, ça permettrait certainement de revenir à quelque chose du niveau des épisodes 2. Oui, ouais, c'est clair. La chose aussi qui m'a impressionné, c'est le fait de pouvoir. Alors, je sais pas si ça va être le cas sur toute la map, sur toute la ville de Paris, mais c'est le fait notamment de pouvoir traverser certains appartements. Donc évidemment, ouais. Forcément la puissance des consoles, des nouvelles consoles permet ça. C'est pour ça d'ailleurs que que le jeu ne sortirait que sur PS4 et Xbox One en plus du PC. Mais pour le coup, c'est quand même assez bluffant de se dire que peut-être on pourra passer dans tous les appartements. Alors évidemment, ça me paraît utopique. Et puis c'est voilà, on n'a pas eu trop de précision là-dessus, mais c'est un peu comme la foule. Pour l'instant, ça tourne sur un PC de guerre, donc ça va. Après sur PS4 et Xbox One, ça va peut-être se passer un peu autrement. Faut se méfier de ce que Ubi montre à l'E3 et ce qu'ils sortent 6 mois plus tard. C'est pas faux. On en parlait tout à l'heure, je l'ai évoqué notamment donc la fameuse virgule Halo. Qui a pris un petit peu de temps, la parenthèse Halo, on va dire. Donc on a eu Halo 5 Guardians avec une belle cinématique. Ouais. Bon, on n'a pas vu grand chose en fait sur Halo 5. Donc, oui, voilà, c'est ça. Le jeu est prévu pour le quatrième trimestre de 2015, donc ils ont encore du temps. Oh, oui, bah, ça va être pour le prochain E3, je pense qu'on va avoir. En troisième trimestre 2015, tu dis? Quatrième. Quatrième. On l'aura encore l'année prochaine, quoi. Par contre, il y aura Halo The Master Chief Collection. Yeah. Ouais, là, qui est quand même une bonne surprise. Il y a des remixes. Ben, c'est pour les gros gros fans d'Halo, moi j'avais fait le premier anniversary sur Halo, le premier épisode. Ouais. Ils avaient quand même fait du bon boulot. Alors là, en plus, en termes de contenu, c'est assez ouf. c'est copieux, hein. Il y a les quatre épisodes, donc il y a Halo 1, Halo 2, Halo 3 et Halo 4. Oui, il y a les 4. Par contre, il n'y a pas Halo Reach, il n'y aura pas Halo. Non, ils n'ont pas mis les spin-offs. Plus, le multijoueur, il y a une centaine de maps qui sont accessibles, qui ont été refaites en plus, qui ont été annoncées comme telles. Et dont la multi d'Halo 2 apparemment qui est remis telle quelle, de ce que j'ai compris, donc ça va être. C'était assez attendu par les fans, notamment celui-ci. Oui, ça s'est attendu, oui. Celui-ci. Surtout depuis qu'ils avaient coupé les serveurs. Ouais, ouais. Je me souviens à l'époque, il y avait encore des joueurs qui étaient restés à faire des parties sur Halo 2 pour empêcher les mecs de couper le serveur. C'était assez épique. Surtout sur le, je trouve que c'est un truc qui est vachement bien fait, c'est que sur cet épisode-là, donc de Halo The Master Chief Collection, on pourra jouer à n'importe quel niveau. C'est-à-dire par exemple, on veut commencer, on connaît le jeu par cœur, on veut commencer sur le dernier niveau de Halo 2, on peut aller choisir directement dans la playlist. Oui. Je trouve que ce principe de playlist est vraiment bien pensé, bien foutu pour. Pour le principe de remake, de compile, on va dire, c'est plutôt bien pensé. Et ça évitera aux gens aussi de se dire, aux gens qui connaissent les jeux, de se retaper tous les jeux pour une fois qu'on a débloqué tout le jeu, de refaire les missions à leur guise. C'est plutôt une bonne idée de leur part. Non, je suis d'accord. Ouais, sur ce point, c'est vraiment une bonne idée, le principe de pouvoir se faire son propre Halo, en fait, sa propre playlist d'Halo, quoi, en fait. En plus, ils vont proposer des playlists différentes, en fait. C'est ça, tout simplement. C'est plutôt bien pensé. Et puis, bon, il y a la carotte aussi de la bêta de Halo 5. Qui n'est pas anodine non plus. Non, clairement non. Qui a forcément fait plaisir aux joueurs et aux futurs joueurs du cinquième volet. Exactement. Qu'en penses-tu, Antoine, de Halo, toi, ça... C'est bien pour les fans ou pour ceux qui n'y ont jamais touché. Ça a l'air d'être vraiment une belle compile avec beaucoup de taf dessus. J'aurai pas d'Xbox One à ce moment-là, donc ça m'intéressera pas. Et voilà, mais c'est surtout un bon moyen de patienter avant Halo 5, quoi. Un autre jeu, moi, qui m'a bien fait marrer, c'est la présentation. En fait, quand j'ai lancé, je suis arrivé en retard pour la conférence Microsoft, et quand j'ai lancé, en fait, je suis tombé sur le début de la présentation de Sunset Overdrive. Mm. Au début, je comprenais pas, ça faisait genre un FPS lambda à la Call of Duty, ce que vous voulez. Et là, c'est après coup qu'on découvre le héros du jeu. J'ai trouvé ça vraiment cette petite cinématique d'introduction était vraiment super bien foutue, super drôle, bien péchu. On voit les ennemis qui sont bêtes comme leurs pieds, qui sont découpés par des pales d'hélicoptère. C'est un jeu qu'on connaît depuis le 3 de l'année dernière, absolument, qui est ressorti de l'ombre il y a quelques semaines. Et de tout ce qu'on a vu, ça a l'air quand même très très répétitif. Hein. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Absolument. Ça a l'air super fun à jouer au début, un jeu très très arcade. Mais ça a l'air de s'essouffler vraiment vite, quoi. À voir ce que ça va être, si c'est que du multi web off, tout ça pour ça. S'il y a une partie solo qui est bien pensée, ou s'il y a une partie coop qui peut être bien foutue. Parce que je trouve que les caractéristiques du jeu sont quand même pas mal. Bon, graphiquement c'est assez joli, le côté, le ce mélange. Il y a des couleurs. Oui, il y a des couleurs, oui, oui. Ce mélange avec Jet Set Radio qui me parle, même si là, voilà, c'est plus pour le côté, grind sur n'importe quelle partie du décor qui est assez sympa. Ouais, ça fait très, Jet Set Radio futur. Ouais, c'est vrai, exactement. Ouais. L'épisode d'Xbox. Et franchement, juste pour la personnalité du jeu, après, c'est juste, voilà, c'est une cinématique qui est marrante, qui est drôle et tout. Moi, sur le coup, c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé sur cette, qui m'a le plus parlé, on va dire, sur cette conférence, qui change un peu de ce qu'on a vu à côté. Mm. Est-ce que vous avez d'autres jeux The Witcher 3, quand même. Ouais, oui. The Witcher 3. Tout simplement, parce que quand même, on sent qu'il y a quand même un cap qui est passé par rapport à The Witcher 2. Encore un, graphiquement, c'est quand même super joli. L'environnement de jeu a l'air quand même très très vaste. Et apparemment, c'est du vrai open world, enfin, c'est ce qu'ils promettent. Du vrai open world, ce coup-ci, alors que dans le 2, apparemment, c'était assez découpé. Donc, on va voir. C'était par zone, ouais. Ouais, voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais ouais, The Witcher 3, quand même. Ça peut faire très mal. Ça, et je pense que celui-là et Evolve, c'était les deux plus gros jeux. Oui, Evolve aussi, effectivement. Ouais, les deux plus intéressants, certainement. Total mais Rock, ouais. Et Evolve, on le connaît bien maintenant. On a vu beaucoup de démos, il y a eu beaucoup de hands-on de la part des journalistes, maintenant, c'est un jeu que Tech2 compte beaucoup là-dessus. Hein. Oui, parce que c'est le papa de Fortnite qui s'est déjà aguerri à ce style de jeu, on va exactement. Dire. Voilà, ouais. Et forcément, en plus, ils ont il y a ce fameux gameplay asymétrique, qu'on utilisait souvent pour la Wii U, et qui est rarement venu de la Wii U. et pour lequel on a 5 joueurs, donc 4 contre 1, je trouve ça, voilà, le... par contre en termes d'équilibrage, ça va être un truc de fou quand même. Apparemment c'est quand même assez équilibré, hein, de ce oui, que non, mais, compris, non, mais je dis pas le contraire, c'est juste le travail pour atteindre cet équilibre. Ah oui, bah ça, c'est un travail de tous les instants, hein, je veux dire, et encore, même après la sortie du jeu, à mon avis, le travail d'équilibrage va encore se faire, hein, c'est-à-dire que... C'est un jeu évolutif de toute façon. Mm-hmm. Oui, on a vu donc un nouveau monstre, le Kraken. Ouais. A été annoncé aussi à la conférence le fait que donc il y aura une bêta exclusive sur Xbox One et qu'il y aura des DLC en avance pour la Xbox One également. Donc voilà, franchement, pour jouer à plusieurs, ça peut être vraiment fun. Bah, ça va être vraiment la grosse sortie multi, quoi. Donc ça sort mois d'octobre 2014, donc ça va arriver assez vite. Ouais. Est-ce que vous voulez parler de Project Spark, hein? Mon cœur, ouais. Voilà. Next. Ça peut être sympa, mais voilà. Mais c'est des jeux où on sait rien en fait. On a vu des trailers, c'est cool, mais on sait rien de ces jeux-là, quoi. Oui, mais ça, Project Spark, c'est un peu le Mario Maker, c'est un peu le Little Big Planet. Ça fait plus RPG, pas RPG Maker, mais Adventure Game Maker, quoi. C'est, après, RPG Maker, t'as Fable Legend, qui est très. Ouais. Le principe de maître du jeu qui apparaît, ou voilà, après, je pense qu'il y a quand même une aventure qui va être créée derrière, ça c'est plus une feature en plus pour pas approfondir le jeu, mais bon, ça ne voyait pas forcément du rêve. Ouais, bon. Graphiquement, franchement, c'est un peu tristounet. On verra. C'était pas top. Non, c'est trop vague pour l'instant, c'est trop vague. C'est d'autres choses à ajouter? Non. On a quand même, ben, je rajouterai quand même le trailer du Tomb Raider et c'est tout. On a pas parlé de Call of Duty, de la réponse du berger à la bergère par rapport au trailer de Battlefield 4 l'année dernière. Où l'année dernière il coupait une jambe et cette année il laisse le bras attaché au bonhomme et le bonhomme explose. Quand même. Hein. Et ouais. La guerre, tout c'est moche. Tout dans la finesse. Ben voilà, forcément. En même temps, on va voir que tout à l'heure chez EA, ils ont pas été non plus dans la. À EA, ils ont montré un mec quand même dans une forêt. Et des mecs en wingsuit aussi. Donc voilà pour la conférence qui inaugurait et qui lançait le 3 2014. Finalement, peut-être une conférence assez sage, parce qu'on ne sortait pas forcément des sentiers battus. Pardon, non, mais c'était simple et efficace, en fait. Oui, c'était, exactement. C'était, ils rattrapaient les fails de l'année dernière et surtout les gros tacles qui sont pris par Sony. Et du coup, ils ont voulu la jouer soft, sachant qu'ils ont quand même changé d'équipe directrice entre temps. Si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, il n'y a plus Don Matrick en même temps. Voilà. Non mais les gars, si coup, vous voulez jouer du coup, c'est moins bourrin et c'est plus axé jeu. Et voilà. Et même s'il n'y a pas d'énormes surprises, il n'y a pas de. Comment dire, de. Mégaton. Le Mégaton. Voilà, il n'y a pas de truc énorme. Enfin, la conférence. Était pas extraordinaire non plus, mais elle était simple et efficace, et voilà, ça manquait juste digeste. Un peu de, voilà, mais elle ça manquait un peu de gameplay, je trouve. Oui, ça va aussi. Et ça, c'est le cas d'à peu près tout le monde, en fait. Ouais, en fait, les conférences, là, on va, au niveau de global, c'est vrai qu'il y a eu très peu de gameplay. Voilà. À part chez Nintendo, nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, justement, on va parler d'IA, tu parles du manque de gameplay, alors là, du coup... on a manqué de jeux aussi. Ouais, mais là, ils avaient. Mais non, mais voilà, le gros problème d'IA, c'est qu'ils ont absolument rien à présenter. Ils sont nus parce que c'est le numéro 1 mondial numéro et 2. C'est tout. Numéro 2. Ils sont pas repassés devant. Ah non, Activision est toujours devant. Call of Duty, ça les écrase, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce que Call of Duty et Skylanders. Ben c'est ça, hein. Enfin bref, on va pas faire un dossier business, mais pour en revenir sur la conférence IA. Le gros problème de la conférence EA, c'est que les jeux les plus attendus, on a vu des vidéos de développeurs disant « Ouais, on travaille sur ça, on travaille, vous inquiétez pas, voilà, on salut les mecs !» On est vachement inspirés, nos bureaux sont très beaux. Voilà. Montrer des images, etc. On voit que DICE, c'est très très important aussi, parce qu'il s'occupe... Franchement, sans DICE, je sais pas ce que ferait hier. Bah, il me semble que un des mecs de DICE est passé, il me semble, vice-président d'IA ou quelque chose comme ça, ou vice-président des studios, enfin bref. Du coup, DICE s'occupe donc de Mirror's Edge 2. Également de Star Wars Battlefront. Voilà. Et il y a BioWare. Et il y a BioWare à côté. BioWare, ouais, voilà. Et aussi Maxis, on va dire, sur Sims 4, où on est. Là aussi, ça va être très important. Hein. Ça va être une sortie très importante des Sims 4. On en parle moins parce que ça nous parle moins. On n'est pas forcément, je crois, des joueurs des Sims ou de. J'ai les Sims 3, s'il te plaît. Oui, enfin, tu joues pas tous les jours. Non, je joue pas tous les jours. Je ne suis pas en foot régulièrement. Mais non, j'ai quand même les Sims 3 parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, je trouve, par rapport à. C'est vraiment un. C'est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le croire. Attention, je dis pas que c'est mauvais. Hein. On te voit venir. C'est juste qu'on n'est pas je pense pas. Alors moi personnellement, c'est pas un jeu que j'apprécie forcément. Donc je peux pas être objectif sur ce type de jeu. Donc après, je comprends le côté socialisation. C'est surtout au-delà de ça, c'est surtout peut-être la licence qui rapporte le plus à EA depuis des années. Quoi. En plus, avec les sorties des DLC peu à peu, on sait très bien la stratégie de EA à ce niveau-là, qui sort le jeu principal à une telle date et pendant 4-5 ans va alimenter le jeu avec des DLC tout le long de la vie. Donc voilà, c'est ça. On a le droit forcément à la présentation des différents enjeux de sport de la gamme de la gamme sport d'EA, EA Sport. Mais ça a été très bref, je trouve, cette année par rapport aux autres années où généralement ils faisaient venir 4-5 sportifs pour parler pendant un quart d'heure de FIFA, de NHL, de PGA. Non, ils faisaient venir les mecs l'année dernière pour parler du UFC. John Jones qui était là. Mais cette année, ça a été très bref. Toute la gamme eSport, ils n'ont pas fait 3 heures de. Enfin, ils ont pas fait. Ils se sont rendus compte que c'était très chiant. Voilà. Donc ils ont pas fait 3/4 d'heure dessus, ils ont vraiment fait 5 minutes de trailer, je dirais, avec notamment PG, avec le truc super fou, ils balançaient la balle dans un porte-avions. Mais ils ont pas fait 3 heures dessus, ils ont vraiment balancé les trailers et voilà. C'est ce qui est très appréciable, je trouve, par rapport aux autres années. Oui. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé la conférencière, mais ils ont fait 1h30 dessus ou pas? De quoi? Non, ils ont fait moins d'une heure même, je trouve, 50 ouais. minutes. Non, mais ça a été vite. Ça a été rapide. Hein. De toute façon, ils n'avaient pas grand-chose à présenter. Ouais. Et toutes les vidéos, c'était plus des diary des développeurs qu'autre chose, quoi. Mirror's Edge 2, tout le monde l'attendait, et en fait, on a vu 2-3 mouvements de combat. On a vu des analyses. Comment on appelle ça? Des versions alpha, voilà. Des versions alpha. Exactement. Des prototypes, voilà, chercher le mot. Ils montrent quelques tests de gameplay qu'ils ont fait, notamment au niveau du combat. Ce qui me fait légèrement peur, parce que j'ai pas envie que la baston prenne plus de place que ce que ça prenait dans le 1. Je pense qu'ils sont quand même entre de bonnes mains pour savoir que le jeu est plus porté sur la course que sur la base. J'espère, mais vu qu'ils avaient plus ou moins annoncé l'année dernière déjà que le jeu serait open world, je sais pas trop où ils vont, mais en tout cas, on n'est pas prêt de le voir, ça c'est sûr. Non, ça va être, je pense qu'on va avoir la première présentation vraiment complète l'année prochaine, pas avant, et encore. Ouais. Il y en a eu aussi, pour clôturer la présentation de Battlefield Hardline, hein, qui est cette fois-ci donc pas qui n'est pas du coup développé par DICE mais par Visceral Games, le papa de Dead Space notamment. Avec quand même un petit peu d'aide, je pense, de la part de DICE derrière, parce que Oui, peut-être pour la partie multi notamment. Ouais, je pense, mais enfin, je sais pas après. Ouais, puis le moteur. Non, mais même oui, le moteur, et puis faut pas oublier que DICE est quand même le papa de la licence, donc à mon avis, ils ont pas non plus envie que Visceral fasse n'importe quoi, donc ils ont quand même un peu chapeauté derrière, je pense. Surtout que niveau n'importe quoi, Visceral, ils savent. Ouais, c'est le problème, là, avec Visceral. Bah, depuis maintenant qu'il n'y a plus Dead Space, maintenant, ils n'ont plus rien, donc faites Battlefield, quoi. Mais on a une stratégie qui est... À ce niveau-là, on a une stratégie qui est inspirée d'Activision avec les studios, quoi, de toute façon. C'est-à-dire qu'on on empile les studios pour qu'ils fassent un turnover... Après, il faut bien les occuper, Visceral Games, ils n'ont rien à faire. Ils auraient pu les balancer sur une nouvelle licence, par exemple, hein. Ouais, mais bon, il y a pas si longtemps. Qui mettre sur Battlefield si DICE est vraiment short. Sinon, ils font comme ils faisaient avant. Ils en font pas un tous les ans, mais tous les 2 ans. Ah oui, mais il faut bien faire de l'argent à Noël. Et à Noël, ils ont pas. Après, moi, ouais, je pense que ces dernières années, EA s'est beaucoup perdu. Après avoir eu une période très intéressante où ils ont notamment balancé Mirror's Edge et. Dead Space et quelques licences sympas. Et en fait, petit à petit, avec Richie, là, ils ont flingué toutes leurs grosses licences. DICE a pris le pouvoir, du coup, on a vu que quasiment DICE et BioWare, voilà. Et, Et du coup, ils ont plus de licences neuves, à part là, Dungate, leur MOBA révolutionnaire, dont je ne sais pas encore ce qu'il a de révolutionnaire. Voilà, y a rien de neuf, y a rien de créatif chez EA. C'est que des licences qu'on refait toujours pareil. Alors, ils essayent de changer un peu avec Hardline pour Battlefield. Mais ça reste une licence Battlefield, quoi. Et Visceral, ils auraient pu les balancer sur une nouvelle licence. Le problème, c'est que quand tu parles de période faste, avec les nouvelles licences comme Dead Space, tout ça, le gros problème, c'est que ça s'est pas vendu. Mirror's Edge, faut pas oublier que ça a fait un flop. Alors après, la hype est montée peu à peu, parce qu'il y a eu le bouche à oreille et tout, mais le problème, c'est que dans les jeux vidéo, si tu ne fais pas des ventes des premières semaines, c'est considéré comme foutu. Je suis d'accord, le gros des ventes s'est fait à 15€. Voilà. Quand il y a eu les soldes de Steam, tout ça, bah voilà, il y a eu une hype, il y a eu un bouche à oreille qui s'est installé, et c'est comme ça que la suite s'est imposée, on va dire. Mais cela dit, je pense que ça ferait du bien à l'image d'EA de faire de nouvelles choses, pas grand chose, hein. Une ou deux licences neuves, même pour faire du shooter ou quoi, genre Hardline, ils auraient pu faire à partir d'une autre licence, enfin d'une nouvelle licence, et je pense qu'ils ont les reins assez solides pour accepter un ou deux échecs légers, plutôt que de continuer dans cette voie-là, où clairement ça leur réussit pas ces dernières années, ça leur réussit pas. Quoi. Le truc, c'est qu'avec Battlefield, on va prendre le cas de Battlefield, ils sont vraiment calqués sur une stratégie d'Activision, c'est-à-dire on en fait un par an et quitte à empiler les studios qui travaillent dessus. Ouais, comment dire, alternant entre les studios, entre les sorties, quoi, pour leur permettre d'avoir le temps de développer le jeu. Voilà, exactement. On le voit avec Activision qui maintenant les rythmes de développement. Ils ont trois studios maintenant. Voilà, ils sont passés à trois ans. Et ils ont trois studios principaux pour faire le turnover. Ouais. Là, je pense que pour Battlefield, ils veulent essayer d'appliquer ce modèle-là. Tout simplement. Ça, je suis persuadé qu'ils veulent faire ça. Après, sincèrement, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Bon, on voit que sur Battlefield, c'est pas non plus un franc succès, quoi. Battlefield 4, en plus, il y a eu des merdes, notamment avec, sur PC. Battlefield 4, c'est pas non plus, par rapport à Call of Duty, qui est toujours un succès, même si ça descend encore, c'est pas non plus pas ça, quoi. Je veux dire, Battlefield a pas fait des ventes aussi gigantesques que ça. On va s'arrêter là-dessus sur EA. Après, on peut quand même faire trois petits mots sur le projet Criterion. Ils ont quand même présenté quelque chose, même si c'est encore à l'état de prototype, on l'a très bien vu, mais un truc de sport extrême apparemment. On va voir ce que ça donne, parce que c'est vraiment encore... On sent que c'est encore à l'état de prototype, c'est... Voilà, donc... Ouais. Donc c'est Criterion, donc ça devrait... Voilà, on sent qu'ils veulent faire un truc fun... Arcade, quoi, dans leur esprit, quoi. Ouais. Parfait, je vous coupe là-dessus, parce qu'on était prêt à faire plus sur EA que sur Microsoft, ça faisait un peu peur. On va parler maintenant d'Ubisoft, justement. Amazing. Qui a encore envoyé du lourd. Bah, déjà, ils ont montré Assassin's Creed Unity. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, déjà? On va revenir sur la question pour lancer la conférence. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence Ubisoft? Amazing. Après la conférence Ubisoft, t'as pas été non plus riche en surprises, quoi. À part le Rainbow Six Siege, ou voilà, qui a été dévoilé. Ouais. Tu rigoles, Antoine, mais Shape Up, je trouve que c'est une utilisation intelligente du Kinect. Oui, mais ils font ça depuis des années. T'as besoin de perdre des kilos, Romain, c'est pour ça? Non, c'est pas ça, non, c'est juste, je trouve qu'enfin, on sort un peu de ce côté, faites du sport à la maison, voilà, on va vous dire combien vous allez perdre de poids, etc. Là, c'est un peu complètement loufoque au niveau de l'esprit, quoi. Ouais, ça change un peu compète. Ça fait un peu différent, mais c'est pas un truc dingue, tu vois. Bah, après, c'est les seuls qui ont tenté sur Kinect pour cette année, donc bon. Dungeon Troll aussi. Il y a aussi, comment ça s'appelle, je sais pas quoi. Disney Fantasia, Music Evolved. Mais c'est tout, quoi, je veux dire, pour des trucs très... Mais on en parlera après, sinon. Oui. c'est prévu. Non, mais oui, après, pour Ubisoft, comme je disais, On a eu des confirmations avec Far Cry 4. Ils ont quand même, il y a quand même un line-up solide, mais il n'y a pas eu de grosses surprises, quoi. Non, mais alors, d'un point de vue purement communication au niveau de la conférence, c'est quand même, je trouve, la mieux rythmée, celle qui est le plus efficace, même si on connaissait quasiment tout et que The Division, Unity, c'est des jeux qu'on avait déjà vus dans les conférences précédentes. Ouais. Enfin, dans la conférence Microsoft. Voilà, tu disais, ouais, Rainbow Six, c'était la surprise, c'était le One More Thing de. C'est ce qu'ils ont instauré depuis, voilà, de depuis Watch Dogs. Voilà. Et voilà, après, c'est. On connaît tout, quoi. C'est, on sait ce que fait Ubisoft. C'est des gros jeux. Voilà, c'est eux qui mènent la danse sur la next-gen. Et la conférence était réussie là-dessus parce qu'elle était rythmée. Quoi qu'on en dise, Aisha Taylor, elle est, même si c'est très chiant, c'est son acting et on voit que c'est très faux sa façon de faire. Au moins, ça donne du rythme et voilà, c'est pas chiant à regarder, quoi. Non, et puis la conférence, faut pas oublier non plus que quasiment la, je dirais. Pas forcément la totalité de des démos, mais il y avait énormément de gameplay par rapport aux autres conférences. Je vois, ouais. Far Cry 4, c'était du gameplay. Il me semble qu'Assassin's Creed Unity, ils avaient représenté du gameplay encore différent. Ouais. The Crew, je sais plus si c'était du The gameplay. The Crew, il y a eu une vidéo de gameplay. Alors, c'était pas du gameplay, les mecs jouaient en live. D'accord. C'était vraiment des vidéos de gameplay. Voilà. C'était pas de la CGI, quoi. Voilà. Rainbow Six, ouais. Alors ça, c'était vraiment cool. C'était la bonne surprise, je trouve. Même si, évidemment, le jeu, c'est de l'alpha. C'est pas encore. C'est juste. C'était pour montrer des intentions de ce qu'ils voulaient faire, et pas montrer le jeu lui-même. D'ailleurs, on le voyait, c'était extrêmement scripté. Ouais. Voilà, c'était du gameplay, mais plus pour montrer les intentions, quoi. Et c'était vraiment très intéressant. Et ça crédibilise la thèse que Patriot a été squeezé, comme il y avait l'autre projet, ce Patriot qui était très QTE, très très dirigiste. Là, on a quelque chose de plus, je dirais, de plus simple, c'est-à-dire du multi par équipe. Ouais. Et voilà. Puis de la tactique. De ce que Rainbow Six est à la base, quoi. Voilà, tout simplement. Alors que ça partait de plus en plus vers du FPS, justement, un peu plus. Rentre dedans, quoi. Comme Vegas et Vegas 2. Je me demande si Ubisoft n'essayait pas aussi d'avoir un Call of Duty, Battlefield de leur côté, quoi. C'est ça aussi, de se mettre dans le créneau du FTS, TPS. Et ils ont vu que ça marchait. Enfin, ils ont vu que ça marchait pas autant, donc ils ont préféré abandonner et repartir sur autre chose, quoi. Tout à fait. Je pense que ça c'est tout pour Ubisoft. Ouais, voilà. Après aussi, The Division a eu un super beau trailer. Mm-hmm. Just Dance 2015 a eu une scène de gameplay incroyable. Ouais. J'ai vu ça avec l'application. Ouais. Et si, il y a eu le passage français avec Valiant Earth, assez Unity. Et puis Shape Up, où il y a eu un développeur français qui s'est fait laminer aux pompes. Et voilà, et du coup, c'était un petit clin d'œil sympa au côté français de chez Ubi. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur Ubisoft? Non. On vient de terminer là. Ah, j'ai entendu ça, merci. Vous avez parlé des éléphants dans Far Cry 4? Ah non! Ah, quand même! Ah, l'éléphant! Oui, l'éléphant blindé. Et... Mode Furious. Mais Far Cry 4 a l'air... En fait, ça a l'air d'être Far Cry 3 avec un nouveau taré. Alors, du coup, j'ai un peu peur pour le... Bah, ils ont trouvé le créneau, on va dire, ils ont trouvé le créneau pour Far Cry, ouais, quoi, exactement. Maintenant. C'est ça, en fait, c'est exactement. Que Far Cry 1 et 2... Bon, Far Cry 1 était quand même une sacrée réussite à l'époque. Ouais. Hein. C'était Crytek à l'époque. Voilà. Tu reconnaîtras que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était Far Cry avec le 1 et le 2, quoi. Ah oui, non, ah bah mais non, clairement. Mais même, hein. Même le 2, en fait, le 2, à la base, c'était Far Cry, c'était Crytek, qui a été un énorme... FPS à sa sortie, c'était... C'est ce qui a fait connaître Crytek, tout simplement. Voilà, exactement. Hein, c'est ça, c'était, techniquement, c'était ouf. Le jeu en lui-même était ouf. Et Ubisoft a récupéré la licence et a fait Far Cry 2, qui était vraiment... Ils ont mis plein d'idées dedans, et ils l'ont pas fini, parce que c'était plein de bugs et tout. Mais il y avait plein d'idées, et du coup, ça leur a permis de ressortir pas mal de choses intéressantes de tout ça, qu'ils ont réutilisé plus ou moins dans d'autres jeux, et ils ont finalement fait Far Cry 3, qui a mis une grosse claque à beaucoup de monde l'année dernière, et qui maintenant marque un petit peu, enfin, a une patte Far Cry. Voilà. Ils ont raison, hein, sur le cas, parce que les gens ont dit oui, ça ressemble, c'est juste une skin de Far Cry 3 à la montagne avec de la neige et des éléphants. Mais pour le coup, pourquoi pas, quoi, je veux dire, si c'est aussi foufou qu'il pouvait l'être le 3 ou. Ouais. Ben non, ils ont la formule, donc maintenant ils l'appliquent. Ils l'appliquent, tout simplement, hein, maintenant. Après, voilà, c'est Ubi, ils sont tellement rodés que ça va aller tout seul pour Far Cry 4, quoi. Ah oui, totalement. Voilà, vous avez d'autres choses à rajouter sur Ubisoft ou cela? Non, ça ira. Alors, on va passer à Sony. Alors, rappelons le contexte, hein, Sony, donc 3h du matin chez nous. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein, voilà. On était complètement pliés, hein, chez nous. Je crois que Tuntun était présent, moi j'y étais aussi, tu étais aussi chez nous. Moi j'y étais chez des amis, donc oui, j'étais présent, j'ai tenu jusqu'au bout. Vache, ce courage. Ah bon, on était complètement pintés après, hein, donc ça aide aussi. Oui, au bout d'un moment, de toute façon, faut s'occuper. Hein. Vous avez fait un bingo ou Non, on drink game, nous. Attends, qu'est-ce que tu crois? L'alcool tue le temps. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, il y a eu pléthore d'annonces, de jeux qui ont été présentés. Alors, présentés, on va dire, phase de gameplay, mais principalement des trailers. Des trailers, merci beaucoup. Hein. Mais de rien, je t'en prie. Donc voilà, alors, on a eu le développeur plein d'enthousiasme de No Man's Sky. Qui a l'air d'être un peu perdu sur cette scène gigantesque. Mais la scène est quand même, et c'est un truc qu'on peut reconnaître à Sony, c'est qu'ils ont à chaque fois une scène magnifique. Avec l'écran, truc un peu incurvé et tout, et c'est franchement superbe. Et voilà, c'est dommage que ça soit chiant. Bah, c'est ça, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? Qu'est-ce que vous avez retenu de la différence? C'est un peu un Demon's Soul, Dark Souls, New Gen dans l'esprit, quoi. C'est un peu ça. Ensuite, ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a le nouveau, comment il s'appelle encore, Dead Island. Mais ce qui est intéressant dans Dead Island 2, c'est pas forcément le trailer, même s'il est intéressant, c'est le fait que ce soit Jaeger qui soit dessus maintenant. Donc Jaeger avec qu'on connaît pour Spec Ops The Line, Spec Ops, ouais. Voilà, qui peut peut-être apporter un plus à cette licence qui est pas non plus des plus qui fait des bons trailers. Voilà, qui fait des bons trailers mais au niveau du qui concrétise pas au niveau du jeu, quoi. C'est super au niveau du contenu. Mais Dead Island était assez raté, mais il avait des idées et c'est là où Jaeger, je pense que ils peuvent reprendre ces idées et en faire quelque chose de peut-être un peu mieux, quoi. Après pour Dead Island 2, de toute façon on a encore le temps puisqu'apparemment ils ont présenté dans les behind closed doors, ils ont vraiment présenté que des ébauches, Il est prévu pour le deuxième trimestre 2015, donc. À l'E3 ils ont vraiment pas présenté grand chose apparemment. Ils ont vraiment présenté le trailer et en behind closed doors ils ont vraiment présenté que des ébauches, des intentions, rien de très précis, quoi. On a aussi The Order 1886 qui a l'air d'être très très sombre. Et qui a l'air d'être un TPS, peu pérasse, quand même. C'est un TPS lambda, quoi. J'ai envie de dire que Sony cherche son Gears of War. Son Gears of War, quoi. Tu veux dire son Killzone? Non, Killzone, c'est un FPS, mais je veux dire. Elle cherche sa licence pour exclusive, quoi, tout simplement. Ouais, mais c'est vraiment. Enfin, je suis très déçu de la part de Red Dead Dan, qui parlait de cette licence depuis un moment en disant que ça y est, on va se lancer dans notre truc et tout, parce que bon, il faisait que du jeu de commande, pas que des portages, parce qu'ils ont fait notamment Dexter sur PSP qui était vachement bien, ils ont fait des très bons jeux. Mais c'était des jeux de commande. Là, c'est leur premier jeu à eux. Et vu comment ils en parlaient, etc. Et vu le trailer de l'année dernière qui annonçait un univers assez cool, c'est extrêmement décevant de retrouver un TPS pas fin du tout. Alors certes magnifique. Ouais, par contre, ça c'est beau. Il est vraiment incroyablement beau. Très en même temps, comme c'est une exclusivité, ils ont pu profiter vraiment du. Voilà, et puis Reddy voilà. Adon sont très copains avec avec les gars de chez Naughty Dog et. Voilà. Et il y a du partage de ressources, etc. Donc voilà, mais le je trouve ça vraiment décevant de. En fait, on a l'impression d'un jeu début de génération précédente avec avec des graphismes de la génération actuelle, quoi. Tu veux dire au niveau du contenu, au niveau de. Ouais, au niveau de, gameplay, bah, du gameplay, de ce que le jeu propose, quoi. Alors après, on a pas vu grand chose, hein. Ouais. Ça se trouve, ça va être mieux par la suite, hein, mais. On a eu aussi la grosse flappance GTA V sur PS4. Et sur PC! PC surtout, ouais. C'était surtout ça, c'était. Les mecs sont. À la rigueur, sur PS4 et Xbox One, on s'en doutait un peu. Mais c'était plus de savoir si GTA 5 allait arriver enfin sur PC. Et donc il y a eu la confirmation, donc c'est cool quand même. Bon, j'aimerais revenir aussi, on parlait du. Alors, deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir sur cette conférence Sony. Alors, première chose, c'est le trailer hilarant, j'ai trouvé, de Magicka 2, Lantos Plaguen. Oui, c'était très. Alors là, c'est pareil, ils n'ont rien montré du jeu, hein, mais pour le coup, faire exploser un chat dans une conférence, moi, j'achète tout de suite. Take my money. Deuxième chose, alors ça c'est plutôt le côté dans les yeux, nostalgique exactement, tu sais que je parlais chinois parce que je pense que tu vas peut-être dire la même chose que moi. Oui. C'est donc le Grim Fandango, surtout revenir sur Grim Fandango, donc ce sera sur PS4 et PS Vita, la fameuse. Et sur PC. Mais il ne faut pas oublier que même Magicka 2, je répète. Il est prévu, Magicka 2 n'est pas une exclu PS4. Ah ouais. Non, c'est prévu aussi sur PC. Paradox sont des développeurs PC, ils le feront sur PC aussi. Hein. Et ça, par contre, Grim Fandango, ils vont le faire aussi sur PC. Mais plus tard, ils ont dit PS4, PS Vita, mais aussi PC. Donc, à mon avis, ça va arriver aussi dans un an après sur Xbox One, tout d'accord. Ça. Faut pas oublier que voilà, hein, Double Fine, ils vont pas se risquer à faire une exclue totale. Hein. Par contre, c'était cool, franchement. La façon dont ça a été présenté avec genre, c'est une petite fillette de 12 ans qui dit ouais, je voudrais que vous fassiez le meilleur jeu du monde que j'ai, moi j'adore. Et Fandango. Et puis tu vois derrière, tu le petit fichier fan derrière, donc le papa, notamment de Grim Fandango. On a tous crié de joie, je veux dire, Grim Fandango qui a cause. C'est à ce moment-là où tu t'es réveillé, je crois. Non, on va dire un peu ça, mais il faut quand même expliquer que Grim Fandango est quand même un jeu qui est pas facilement jouable sur PC. Parce que. Il est pas sorti, par exemple, on trouve pas sur GOG, pas du tout ressorti sur GOG, sur Steam, tout ça. Parce que il me semble qu'il est encore, les droits sont encore à LucasArts, et comme LucasArts est. Donc c'est encore à Disney. Mais à mon avis, Double Fine a dû racheter les droits. Donc ça c'est plutôt cool. C'est une fois qu'il voulait faire ça d'ailleurs, Tim Schafer, il avait parlé de pouvoir récupérer les droits. Exactement, il a dû récupérer les droits de Grim Fandango, à mon avis ça n'a pas dû non plus coûter très cher. Il a travaillé aussi sur Throttle, sur... Ouais, mais ça, je pense que ça viendra plus tard. Si Grim Fandango se confirme et que le jeu est bien et que ça se vend bien, il pourra faire encore du Foot Throttle d'ailleurs. Ouais. Grim Fandango est certainement plus hype, on va dire, que... Il y a une aura derrière, il y a quand même une certaine aura derrière. Coucou Kotos. Ah, c'est ça aussi, mais Grim Fandango, oui, c'est vrai que c'est il y a quand même une certaine aura derrière, mais il y a une communauté qui demandait vraiment de rejouer au jeu dans des bonnes conditions. Parce que quand même à l'époque, faut quand même dire que c'était un point and click très particulier parce qu'il se jouait au pad. À l'époque sur PC. Tu ne pouvais pas, c'était pas un vrai point and click, c'est-à-dire tu devais diriger avec le clavier et pointer après avec la souris, ce qui est quand même pas le plus évident. Et là, il y a eu un patch qui est sorti il y a quoi, il y a 6 mois, 1 an, qui corrigeait ça en fait, où tu pouvais faire le jeu totalement avec la souris. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était clavier et souris. D'accord. Donc c'est une bonne chose, en tout cas, c'est sympa en tout cas de voir ce type de jeu d'initiative, on va dire, arriver sur les consoles. Totalement. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres jeux où, alors, moi j'ai beaucoup aimé le côté ironique lors de la présentation, c'était Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mm-hmm. Les mecs se sont dit, pour ceux qui n'ont pas vu le. Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, parce qu'il avait fuité un ou deux jours avant, je crois. Il avait fuité, je crois. Donc ça, c'était assez drôle de la part de Sony de faire ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors rapidement, Batman Arkham Knight qui a l'air de défoncer graphiquement. Oui, quand même, Arkham Knight. La Batmobile qui fait qui strafe, quoi, c'est juste ouf. Ah bah oui, c'est totalement. Oui, voilà. Ouais. Moi, ça m'a pas du tout fait envie, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que t'as pas de goût, c'est tout. Ça doit être ça, ouais. Ouais. par contre, alors un truc qui m'a pas du tout fait envie, c'est Let It Die. Alors, je suis désolé, c'est du Grasshopper Manufacture. Pour Grasshopper, en plus, ils ont squeezé. Comment il s'appelait le jeu là Lily Bergamo. Voilà. Ils ont squeezé Lily Bergamo pour ça. Donc, ouais, c'est ça, quand même. En fait, ça a l'air d'être un Manhunt façon Souda. Ouais. C'est assez spécial. On n'a rien vu de toute façon, donc. Ouais, il y a eu quelques phases de gameplay et tout, de montrer après sur le salon, sur le chauffeur. Et ça avait pas l'air très waouh. Ouais, ça, en tout cas, ça a pas emballé grand monde. Ou non. Il y a eu d'autres choses qui vous ont parlé, qui vous ont plu. Les quelques jeux indés étaient pas mal. Abzu, No Man's Sky. No Man's Sky, quand même. Qui a l'air quand même prometteur. Le trailer était vraiment moi, cool. Moi, j'ai toujours peur. J'ai vu ses réserves aussi sur Internet. C'est le côté, oui, mais alors, c'est super chouette. C'est cool. On va faire qu'est-ce quoi qu'est-ce qu'on va faire, quoi. À part, si c'est pour prendre son... Alors, en plus, tu sais que c'est en procédural, donc tu n'auras jamais le même monde quand tu relanceras une partie, pardon. C'est quand même univers. Énorme. Franchement, là-dessus, graphiquement, le côté où tu rentres dans l'atmosphère, tu arrives sur la planète, tu sors, tu peux découvrir la faune et la flore de la planète. C'est bien cool, quoi. C'est super bien pensé. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On verra. À mon avis, ça va pas arriver avant... Avant longtemps. De toute façon, ça arrivera d'abord en bêta, après en early access, et après... Je pense pas, il faut pas oublier que c'est une exclu PS4, et je pense que ça viendra avant sur PS4. Non, c'est pas une exclu PS4. Non, il est sur toutes les consoles. Mais apparemment, la PS4 a une exclu... Enfin, une exclu temporaire, peut-être. Ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que No Man's Sky, il faut pas oublier non plus que c'est une petite équipe qui est dessus. Ils étaient au départ, ils étaient 7. Ouais, ouais, ouais. Non, ils étaient 4, maintenant ils sont à 7. Attention. Ils ont quasiment doublé. Ils ont doublé. Mais ouais, donc ils sont pas beaucoup dessus. Donc ça prend énormément de temps. En plus, ils ont eu des merdes derrière, parce qu'ils ont eu une inondation, ils ont eu plein de merdes derrière. Ouais, ils ont perdu leur sauvegarde, je sais pas quoi. Voilà, ça, ouais. Bref, c'est... Donc il faudra attendre un peu. Faudra vraiment pour attendre. Voir plus, c'est pour en savoir plus sur le jeu. Alors, on peut peut-être finir, sauf si vous avez d'autres choses à voir avant, mais alors, on parlait des trailers, on y reviendra après, évidemment. Mm-hmm. Le fameux Uncharted 4... Alors, juste avant ça. Parce que tu vas finir là-dessus, on peut parler de très rapidement de Little Big Planet 3 avec sa démo que j'ai trouvé complètement foirée et qui montre encore une fois que ce n'est pas un jeu de plateforme mais que c'est un éditeur de niveau, voilà, de jeu même. Parce que ouais, depuis le 2, ils ont vraiment étoffé le truc et ça c'est vraiment pas mal. Avec, là, ils ont rajouté 3 nouveaux personnages, mais bon, ça n'a pas l'air d'apporter... Enfin, voilà, ouais, ça n'a pas l'air GG. Et il y a eu le Last of Us Remastered Super HD Top Remix, je sais pas quoi. Pour occuper le planning. An après la sortie PS3. Alors, c'est quand même honteux. Hein. On a beaucoup critiqué l'année dernière Nintendo du fait qu'ils remplissaient le planning, notamment. Ça va digresser sur Nintendo. Qui remplissaient le planning, notamment avec le Zelda HD, ouais. Wind Waker HD. Et en fait, on se rend compte d'ailleurs, on en parlera plus dans les tendances, mais les deux consoles, Xbox One et PS4 sont arrivées très tôt, que les jeux ne sont pas prêts, et que du coup, pour occuper les plannings, ils balancent du Tomb Raider, du Last of Us, des jeux qui sont sortis très récemment, qui sont très faciles à faire en 1080p 60fps, et voilà, ils balancent ça comme ça pour occuper les gens, et les gens achètent, donc tant mieux. Mais, ah oui, tant mieux si les gens achètent. Faut... Mais voilà, Last of Us, enfin, il y a beaucoup de monde qui a kiffé l'annonce, donc voilà, et tant mieux pour Sony. Après, ça montre que les consoles de la nouvelle génération sont peut-être arrivées un petit peu trop tôt. Donc les kits ne sont pas arrivés suffisamment tôt dans les développeurs pour permettre d'avoir des jeux qui sortent rapidement. Ouais, mais c'est difficile de les faire arriver suffisamment tôt. Bien sûr. Étant donné que maintenant les temps de développement se rallongent. Donc voilà, il y a ça aussi, quoi. Alors, on va finir rapidement sur Uncharted 4, parce que finalement, on n'a pas vu grand-chose. On a eu un trailer. Et juste, par contre, au niveau de l'animation, qui est juste... Il y avait une super mouche. C'est magnifique. Impressionnante, quoi. C'est magnifique, par contre. Le moment où Nathan Drake se lève et grimace au niveau du visage. Alors, c'est des trucs tout court. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est... Il y a un côté réaliste. En un trailer, on voit que Naughty Dog a encore la main sur Sony, quoi. Oui, parce que c'est apparemment, c'est du in-game. Hein. C'est le moteur. En plus, ouais, c'est qui est impressionnant. Mais on voit que Naughty Dog a encore la main sur cette génération, sur le côté technique, quoi. On voit que d'une génération à l'autre, ils ont réussi à... Après, c'est un des first parties de Sony, donc ils ont... mais clairement Sony, non, et puis c'est plus qu'un first party, c'est eux qui développent les outils de programmation, enfin pas de programmation, mais de conception de jeu au niveau des moteurs de jeu, etc. Pour la PS4. Pour faire une analogie, je dirais que c'est un peu Naughty Dog est à Sony ce que DICE est à Electronic Arts, en fait. C'est-à-dire qu'ils fournissent le moteur, alors peut-être pas à tout le monde comme DICE le fait pour EA, mais on voit qu'ils sont derrière Sony pour apporter un appui technique, même aux autres. Un appui technique, un appui au niveau des graphismes, des choses comme ça, on voit que Naughty Dog est à 100% derrière et soutient à fond Sony à ce niveau-là. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que pour The Order, ils ont dû bien aider aussi. Ils ont aidé, à mon avis, effectivement. Ok. Et on peut peut-être aussi, je voudrais faire un petit laïus quand même sur la structure de la conférence en elle-même, qui a été trop longue, qui a été un peu chiante à un moment. C'est-à-dire qu'au début, ça allait. Et puis il y a eu un passage chiant où ils ont commencé à sortir des discours, des trucs comme ça. En fait, ils sont vraiment partis dans une conférence de l'ancien temps, c'est-à-dire d'il y a 3-4 ans. En fait, c'est devenu relou dès que le président de Sony US est arrivé. Ah oui, clairement. Et on sent que totalement qu'ils sont partis dans une conférence comme il y a 3-4 ans. Vous savez, les conférences de 1h30, 2h qui étaient à rallonge et qui étaient... où il y avait... L'année dernière, ils avaient déjà fait ça. Hein. Voilà. Et ils s'étaient sauvés parce qu'ils avaient taclé méchamment Microsoft avec notamment l'échange, enfin le prêt de jeu. Oui, la fin. Le prêt de jeu, voilà. Avec Yoshida. Voilà. Et tout le monde avait applaudi la conférence grâce à ça. Et ils étaient sortis... on va dire plus ou moins vainqueur de l'E3, mais la conférence était exactement structurée de la même façon, et elle est structurée de cette façon depuis 5 ans. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas pris conscience que les gens maintenant, c'est plus que les... C'est un salon qui se regarde aussi sur Internet, partout en fait, voilà. Tu vois ça... On disons se fait chier, qu'ils quoi. Ils ont pas séparé la partie business de la partie joueur. Ce que Microsoft a fait depuis l'année dernière, en fait, ils ont vraiment séparé le business du le business a été fait pour l'annonce de la console, et le jeu a été fait en fait lors de la conférence, et cette année ils ont encore fait une conférence très axée jeu, tandis que ce que Sony n'a pas fait, en fait. Exactement. Ouais, ils ont digressé, ils ont parlé, ils sont partis sur la PlayStation TV, ils sont partis sur Power, sa sur série avec Bendis, tout ça. Par contre, ils sont pas partis sur la PS Vita. Non. Un petit peu, ils ont juste dit, hop là, on sort, Minecraft, chez Lovelight. Chez Lovelight, Minecraft, c'est sorti. Voilà. Voilà, Minecraft, quoi. Un petit jeu inédit, quoi. Exactement. Sans déconner. Mais on sent, de toute façon, même dans les discours, on sent que la Vita est même plus considéré comme un accessoire de la PS4 qu'une console à part entière. Ce qui est très triste. Ouais. Et le pack PS4, PS Vita. Ils vont vendre des cartons. Pas dans ce sens. Bon. on va passer aux dernières conférences, je devrais dire, au Nintendo Digital Event. Digital Event. Qu'est-ce que vous avez retenu de. On ne dira qu'est-ce rien. Que vous avez retenu de cet événement? Nintendo a roulé sur le 3. Alors, on va parler déjà de la structure du Digital Event. Ça a été bien rythmé. Ça a été rigolo à regarder. Ça a été fun. Ça a été fun. Pour une fois, Nintendo a été dans le fun. C'est lâché, en fait. Tu rigoles. Non, mais on va dire qu'au niveau de la conférence, je suis d'accord avec toi par rapport à l'autre dernier. Par contre, quand tu regardes les dernières vidéos de dernier Nintendo Direct qu'ils ont fait, Direct Mario Kart 8 était juste fabuleux. C'était cool aussi. Vraiment un changement de direction dans la communication depuis le début de l'année. C'est que Nintendo a commencé à revoir sa communication. On va dire qu'il y a Nintendo Direct d'à peu près... Ça a commencé un petit peu à se roder. Et puis maintenant, même l'année dernière, ça a été un rodage de stade. Ouais. Et là, maintenant, ils commencent à bien structurer leur communication. Et là, je parle pas seulement du Digital Event, mais même dans tout le 3. Les tri-house, C'est-à-dire qu'ils ont, par rapport à Sony et Microsoft, ils ont vraiment centralisé leur communication à ce niveau-là sur tout le 3. C'est-à-dire aussi bien le Digital Event, qui est quand même le point fort de Nintendo par rapport à le 3, mais aussi les tri-house qui finalement centralisent un peu les présentations de jeux, qui font « Tenez, on va vous présenter ça, ça, ça, en détail ». Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Nintendo a compris que le 3 c'était une affaire de communication, qu'il fallait prendre la main à ce niveau-là, et Microsoft et Sony n'a pas vraiment fait ça, et Nintendo l'a fait totalement, et ça a été une réussite. Mais complètement, et puis surtout, voilà, donc certains sont pleins qu'il n'y avait pas de conférence, machin, mais au moins là, ils n'ont pas eu de problème technique, ils n'ont pas eu de soucis avec le Wiimote qui ne marchait pas, qui n'était pas arrivé. Voilà. Et ça a été court, concis voilà. Et clair. En plus, ça a duré 45 minutes, on a vu des nouvelles licences. Il y a eu 2-3 passages un peu chiants où Reggie blablatait, ou les développeurs de Yoshi's Woolly World. Ah oui. Par contre, les développeurs donnent trop envie de savoir comment on fait les petits Yoshi en plus. mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, par rapport au fait que il y a eu des annonces et tout, et putain, je sais plus, ça m'énerve. Vous m'avez coupé, je suis perdu. Je pense au plus Yoshi. Non, parce que. Non, je crois que c'est. Alors, tu parlais suite au fait que je disais par rapport au rythme des conférences, il n'y a pas quelque chose par rapport à ça. Non. Enfin, bref, c'est pas grave. Je me sens pas bien. Déjà, commencer rapidement sur le Super Smash Bros. Qui est quand même le gros jeu de la fin d'année, tout simplement. Hein. Ils misent là-dessus à fond, de toute façon, Nintendo pour le Noël, quoi. Ça va être Smash Bros. Alors, ouais. Ça sort. Ils n'ont rien d'autre. L'épisode 3DS avant l'épisode Wii U. Voilà, ça va être l'apéritif. 3 octobre, ça c'était le gros scandale du truc. Parce que c'était annoncé pour l'été, on croyait tous à une sortie juillet. Mais le mois d'octobre, c'est l'été au Japon, non? Non. C'est bon. Non. On a eu par contre des nouveaux personnages qui ont été présentés. Alors, ce qui est, je trouve pas trop, pas idiot du tout, même dans l'idée, c'est les 3 types de Mii. Alors, ça, il y a Brawler, c'est-à-dire corps à corps, Sword Fighter. Et il faut pas oublier que justement tous les personnages de The Smash Bros vont être personnalisables, donc qui va être prometteur. Pas dans tous les modes de jeu. Pas dans tous les modes de jeu, mais voilà, on pourra personnaliser tous les personnages vont être personnalisables, ce qui est quand même assez intéressant. On joue avec Palutena, quoi, donc ça c'est cool. Palutena, à la fin du truc qui a été annoncé. Moi personnellement, j'aurais inversé les deux annonces de personnages. J'aurais mis Pac-Man à la fin et j'aurais mis Palutena en annonce. Je sais pas qui ça intéresse. Pac-Man est moche. Je sais même pas ce qu'il fait dans le casting. Arrête, attends, Pac-Man, on va pouvoir avoir Megaman, Pac-Man, Sonic. Ça, par contre, c'est bien. C'est cool, mais t'as vu le design de Pac-Man. Bah, voilà, tu veux pas qu'on lui mette le design avec seulement la bouche et moi, je veux tête. Le Miss Pac-Man avec le petit nœud. L'autre grosse annonce aussi, liée à Smash Bros aussi dans un premier temps et qui sera étendu aussi aux autres jeux Nintendo, c'est les fameuses figurines NFC. Ouais. On vous arrive complètement. Qui va être le raz de marée. Ils ont vu le succès de Skylanders, ils essaient de surfer là-dessus tout simplement. Hein, c'est quand même dingue de se dire que Nintendo n'a pas su anticiper ça alors que eux, leur métier. Ils ont pas su l'anticiper. Il faut pas oublier ça. C'est que il faut revenir quand même sur ça. Activision a proposé l'exclusivité de Skylanders à Nintendo et ils ont refusé. Ouais, mais là, à mon avis, ils doivent un peu se mordre les doigts. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Parce que actuellement, Skylanders, se vend très très bien sur Wii et sur Wii U. Ça fait partie des versions qui se vendent le mieux, notamment sur Wii. Je pense que, surtout, Nintendo, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur carton depuis longtemps. D'ailleurs, ils l'ont intégré, vers la fin du développement sur la Wii U. Parce qu'on avait le symbole sur la tablette, Et là, on l'a toujours, il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais on savait pas à quoi ça servirait, quoi. On savait que c'était du NFC, mais on savait pas. Et je pense que ils ont mis beaucoup de temps à développer le concept, pour ne pas faire comme Skylanders, c'est pour avoir quelque chose de plus universel. Et c'est là où leur système de figurines est intéressant. C'est que, déjà, elles sont classes. Et ça va servir, une même figurine va servir pour plusieurs jeux. Et je trouve ça très très intelligent. Et voilà, et ça ramène le physique dans là où on devient de plus en plus dématérialisé. Ça ramène un petit peu de physique et c'est pas plus mal. Et Tuntun aime le physique, vous l'aurez compris. Il est bon notre VRP de chez Nintendo. Hein. Ah, il est très bon. On sent qu'il tient bien le rôle, tu vois. Putain, n'empêche. Et c'est pas moi qui ai acheté une Wii U récemment. Oui, oh, hein. Ouais, bon, alors. Toi, tu l'avais depuis le début, donc ça joue pas. Hein, c'est vrai. De quoi est-ce que vous voulez parler, du coup, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les jeux. Moi, j'ai envie quand même de voir Bayonetta 2. Bayonetta 2, quand même, ils ont annoncé que l'épisode 1 serait inclus avec. Et qu'il était refait 1080p. Voilà, donc ce sera la version 360 qui sera. Cool, avec 3. Mais le pire, c'est que les mecs vont faire le 1 et vont se dire putain, mais j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à le finir, ils vont jamais lancer le 2. Et il y a quand même. Alors, ce qu'on pourrait aussi dire, il y a que. Captain Todd, ouais, qui a l'air peut être vraiment sympa. Cool, qui est un dérivé de. Sympa. Qui est un dérivé de mini-jeux qu'il y avait dans. Super Mario dans 3D World. Voilà, 3D World. Qui a l'air vraiment sympa, enfin, un petit jeu de réflexion comme Nintendo voilà. Peut-être parler rapidement de Yoshi Woolly World qui est très beau. Mignon. Ouais, il y a eu un gros gap graphique. Mais ils ont changé tout simplement de style. Je veux dire, au départ, ça devait être normalement un. Ouais, c'était un peu plus Yoshi. Tissu. Non, c'était normalement un Yoshi façon Kirby, machin, comme War et Yarns. Au fil de voilà. L'aventure. Au départ, ça devait être prévu comme ça. Et là, finalement, le concept a évolué et ils sont passés à la laine. Donc, enfin. Ouais. Mais c'est très joli, hein, mais bon, c'est très ça joli. Ça a pas l'air non plus sans ça, ce niveau. On verra. Au niveau gameplay. C'est sûr, c'est pas avant 2015. C'est good feel, donc c'est pas non plus. Voilà, mais on verra, de toute façon, c'est pas avant 2015, donc ils ont encore le temps. Sinon, il y a Hyrule Warriors qui est. Qui a l'air prometteur, pour une fois. Qui a l'air d'un bon Musou, quoi. Voilà, d'un bon Musou. Qui, Nintendo sera derrière, donc à mon avis, ils contrôlent que le. C'est que... surtout, ouais, ils ont l'air de extrêmement profiter de l'univers de Zelda, quoi. On voit le nombre de personnages qui est prévu, et ils vont tout mettre, ouais, quoi. Genre. Plein de meufs avec les seins. Ah, ça y est. Bord du balcony. Et vous l'aurez compris, Tuntun aime bien les meufs qui ont les seins à fond. Voilà. Vraiment, les features où tu secoues la manette, ça secoue les seins. Je suis très fan de Tecmo. Tu es dégueulasse, me dégoûte. Ouais, non, mais sinon, avant de passer au gros morceau, quand même, la grosse annonce qui était prévue, moi, j'aimerais quand même faire un petit mot sur Mario Maker. Parce que, de ce qu'ils ont montré à l'E3, ça n'a pas l'air non plus de faire sauter au plafond tout ça, mais qui pourrait être intéressant si Nintendo ajoute assez de trucs. Non, mais ce qui a l'air cool, c'est que bon, déjà, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire un bon niveau de Mario. Voilà, tu fous des tuyaux, des blocs, des. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'énormément d'éléments, ça a l'air plutôt bien à prendre en main. Après, le truc un peu cool, c'était les différents skins. Et apparemment, là, ils en ont montré deux, mais il y en aura d'autres. C'est ce que j'ai compris. Donc il y avait le skin Super Mario Bros. Et le skin Super Mario Bros Wii U. Voilà. Et tu peux switcher des deux l'un à l'autre. Exactement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ce qu'on a aussi, ce que j'ai trouvé aussi pas mal, c'est une nouvelle licence pour une fois, un TPS de Nintendo quand même, TPS online, s'il vous plaît, multi. C'est quand même Splatoon. Technologie, exactement. Mais Splatoon qui comme ça, vu de la conférence, payait pas trop de mine. Et c'est surtout qu'ils ont fini là-dessus et c'est voilà. Peut-être pas le truc plus. Et qu'ils ont passé du temps dessus. Ils ont passé du temps dessus, mais exactement. Et on va dire que le concept ne peut pas parler, enfin ne pourrait pas parler à tout le monde. C'est-à-dire genre balancer des trucs de peinture, des trucs de territoire. C'est pas non plus le truc le plus fun, surtout quand on a du Team Fortress 2, il y a beaucoup de concurrents quand même sur ce créneau. Étant grand joueur de Team Fortress 2, je peux le dire. Mais Splatoon après peut être intéressant par la vision de Nintendo de ce qu'ils veulent faire dedans. C'est-à-dire que Nintendo peut apporter quelque chose. Ils veulent essayer de faire quelque chose de tout public, sans que ce soit non plus la grosse tuerie, machin, du sang de partout. Donc, ils peuvent apporter quelque chose. Moi, je pense qu'ils veulent surtout faire un truc d'ultra compétitif. On l'a vu après, parce qu'il y a eu beaucoup de gameplay, de présenter des tryhouse sur le stand de Nintendo, etc. Exactement, ouais. Et ça a l'air d'être très compétitif, et malgré tout, avec pas mal de skills, parce que il y a ce petit truc où, en fait, le personnage peut se transformer en poulpe. Quand il y a la peinture, ouais. Exactement, pour se balader dans la peinture et pour aller beaucoup plus vite. Et du coup, de ce qu'on a vu, bon, pour l'instant, il y a qu'une seule map de montrée, il y a que deux armes différentes, je crois. Mmh. Voilà, c'est pas très varié, mais malgré tout, sur le peu qui a été montré, tous ceux qui l'ont testé ont vraiment beaucoup apprécié le c'était côté, fun. Voilà, c'était fun, ça se prenait en main tout de suite. Et malgré tout, il faut du skill et c'est vraiment du co-op et de la conquête, quoi. Donc il y a un côté un peu différent des TPS qu'on peut avoir habituellement. Donc ça a l'air plutôt cool, et surtout ils annoncent là c'était juste ils montraient vraiment un niveau, quoi. Il y avait pas grand chose, voilà. Mais ils annoncent quand même beaucoup plus que ça, notamment du solo, du 1 contre 1, va y avoir plus de choses, quoi. Et il faut pas oublier d'ailleurs que là on est le 3 est déjà passé depuis longtemps, mais Nintendo a fait un event juste après le 3, enfin il y a quoi, il y a 3-4 jours il me semble, à Paris, pour les journalistes, et de ce que j'ai entendu de Splatoon, ça a l'air quand même très fun. Donc c'est pour ça aussi que les journalistes n'étaient pas très convaincus au départ de ça. Enfin, parce que de au premier abord, ouais, ça a l'air un peu. Bah c'est gamin, il y a de la. C'est gamin, voilà tout ça. Il y a de la peinture. Mais les journalistes après qu'ils l'ont essayé à l'event à Paris, ont dit que ouais, finalement c'est plutôt fun. Après, on peut quand même glisser un mot sur deux trois jeux, c'est-à-dire Kirby qui a l'air quand même très mignon en pâte à modeler, ouais, et aussi la suite d'un très bon épisode, exactement épisode jouable d'ailleurs à la mablette. Je sais pas si c'est exclusivement à la mablette, enfin je sais pas. Bah si, parce que ça sera c'est comme sur DS, ça sera full tactile. Voilà, et on peut quand même aussi glisser un mot sur Xenoblade Chronicle, qui a quand même, on a quand même des gens qui sont compétents derrière, Monolithsoft. Le trailer était très moche, mais alors les vidéos derrière, ça a l'air assez ouf au niveau open world. Voilà, et donc ça a l'air quand même de promettre au niveau RPG, donc on a peut-être, on a quand même possibilité d'avoir le sauveur du RPG japonais à ce niveau-là, puisque on va dire que c'est pas vraiment un genre qui est totalement en pleine santé, si j'ose dire, depuis la dernière génération. Donc, Il y a eu de bonnes choses, mais le problème, c'est que c'est japonais, et c'est le marché japonais est maintenant tellement à part que exactement. Voilà, c'est un univers différent maintenant. Donc on va voir avec Xenoblade. Et il y a eu quoi ? Il y a eu aussi les remakes de Pokémon. Voilà. Voilà. Bah, ça va être le gros carton sans se fouler, quoi. Avec la skin de XY, quoi. Voilà, ça va être ça. Et puis bon, là, j'ai quand même envie qu'on termine la conférence Nintendo par le gros. C'est pas fini, là. Non, mais on va quand même finir sur One More Thing, j'ai envie de dire, qui était en milieu d'ailleurs de conférence, mais j'ai quand même le Zelda qui a été dévoilé, donc voilà. Donc bon, on a vu pas grand chose. Ouais. Mais c'était déjà pas mal. C'est un peu comme Rainbow Six Siege ou. Voilà, c'était les intentions de jeu. Voilà, c'est les intentions de jeu. Non, je trouvais que ça ressemblait au niveau du cas Zen, au niveau de l'univers, à Skyward Sword. Ouais, Skyward Sword. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec Skyward Sword et ce qu'ils n'avaient pas pu faire à cause des limitations de la Wii. Mm-hmm. Ouais, bah oui, moi je pense pareil à ce niveau-là. Hein. C'est bon pour vous, pour Nintendo ? C'est bon pour la conférence Nintendo, je pense qu'on peut. Vite fait, parce qu'on a pas, on a juste parlé du style graphique de Zelda. Oui. C'est surtout les intentions, le côté open world avec la map. Voilà, j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Je ne trouve plus mes mots ce soir. Ça va pas. Tu es perturbé, c'est normal. Tu n'as plus fait de podcast de connexion. Tout est normal. non, mais voilà, il y a Aonuma après a parlé de beaucoup de choses sur ce Zelda, de ce qu'il voulait faire, donc bouleverser les codes, machin, comme d'habitude. Comme oui, c'est un peu depuis, ça. Comme c'est il un parle peu le depuis Skyward Sword et comme il essaye de faire, notamment avec le dernier Zelda où il change certaines choses. Mm-hmm. Là, il parlait de la façon dont il abordait, dont on allait aborder les énigmes dans les différents châteaux. Enfin, les différents donjons, plutôt. Donjons. Notamment un truc qui va plaire à beaucoup, je pense, c'est son intention de fortement lever le pied sur les didacticiels et sur les... Hey, listen! Exactement. Sur tous ces petits trucs chiants qui rendaient apparemment Skyward Sword... Très dirigiste, finalement. Très casse-couille. Oui, surtout, j'ai envie de dire. Mm. L'épée qui arrêtait pas de parler, c'était juste affreux. Je suis désolé. Donc, puis s'il peut déboussiérer un peu Zelda dans son gameplay, ça peut faire mal. Ce qu'il faut, c'est déboussiérer en fait l'univers Zelda. Enfin voilà, pour déboussiérer. Déboussiérer Zelda. En tout cas, tout à l'heure, évidemment. Oui, bien sûr. On va finir sur. Alors, tu voulais nous en parler rapidement, Chino? Ouais, très rapidement. Bah, Horizon, si tu veux, au niveau du concept. Horizon. C'est comme ça que ça se prononce, monsieur. Hein, si tu veux pas jouer sur Horizon. C'est le jeu de voiture. Non, c'est pas Forza Horizon. Tu te tiens tout de suite. Mais conférence. Non, mais explique déjà ce que c'est. Alors, Horizon, c'est une conférence qui est organisée par le musée d'art contemporain de San Francisco. Donc, t'as de Los Angeles. Donc, ça se pose déjà. Voilà. La hype est totale. Exactement. Mais donc, on va dire que c'est très loin des concepts de jeux grand public, même au niveau des jeux indés. C'est-à-dire qu'au niveau des jeux indés qui est présenté à Horizon, c'est surtout des jeux qui sont qui dénote un peu au niveau du gameplay, au niveau des intentions des jeux, tout ça. Donc on a souvent des trucs très intellectuels, on va dire, si j'ose dire. Genre on a eu par exemple la présentation d'un jeu qui s'appelle Mountain, qui était de gérer une montagne, qui était un god game de montagne en fait, qui est quand même voilà quoi. Un peu à la From Dust. Non, c'est quand même un peu plus... C'est très conceptuel, quoi. C'est vraiment... T'avais ta montagne, tu avais ton truc, et tu laissais, en fait, finalement, c'est beaucoup plus contemplatif que From Dust. C'est vraiment beaucoup plus contemplatif. C'est vraiment, tu pouvais laisser ta montagne, et tu l'as laissé faire sa petite vie, quoi. Super. Ah oui, non, mais Horizon, c'est un petit peu l'esprit comme ça, Vraiment du rêve, quoi. C'est un peu ça, voilà. Non, mais c'est vraiment intellectuel. C'est pour ça que je dis un peu intellectuel, non, artistique, mais, voilà. Les mecs qui te vendent ce type de jeu, ils peuvent te vendre après, quoi. C'est pas possible. Bah, je sais pas. Alors après, le seul jeu, enfin, il y avait quand même un jeu d'énigmes qui était assez intéressant. Il y avait aussi, Polyphonie Pierre, je sais plus comment il s'appelle encore. Polyphonie Digital? Non, pas Polyphonie Digital. Non, il y avait un jeu qui s'appelait Quadrilatéral. Attends, je te trouve le nom. Quadricolor. Non, pas pourquoi. Quadrilatéral Cowboy, voilà. Ce qui était un jeu de hacking. De cheval. Non, s'il vous plaît, messieurs, un peu de sérieux. Nous parlons d'art. Cette partie est totalement maîtrisée. Voilà. Quadrilatéral Cowboy, qui est un jeu, en fait, de coopération. Enfin, pas de coopération, mais c'est un jeu de puzzle. Puzzle game. De hacking. Puzzle game de coopération hacking, quoi. Ouah. Ah oui, non, mais attends. Oui. Mais au style graphique très particulier, encore une fois, ce qui est un peu le ce qui relie un peu les jeux, c'est-à-dire qu'il y a un style graphique très particulier, très très bizarre. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Panoramical, qui est un jeu de musical. Non, un jeu musical, monsieur, voyons. Je suis désolé. Et donc le truc intéressant, c'est que c'est Polytron qui est partenaire du jeu. Donc, Fez, tout ça. C'est pas donc... Polyfriends qui se sont nommés ou je sais pas quoi. Non. Enfin, il y a Polyrondron. Ok. Messieurs, s'il vous plaît. Non, mais Polytron, normalement, lance, je crois, un truc partner, quelque chose comme ça. Donc, et ils veulent aider certains développeurs derrière. Donc, wait and see. Il y a aussi un jeu de puzzle qui s'appelle. Attends, voir que je te trouve. C'est Gunnar. Non, Gunnar, qui est un 3D puzzle, qui est un jeu puzzle en 3D, qui est assez intéressant parce qu'en fait c'est des structures que tu bouges et en fait Tu pas des lignes, non, c'est pas ça. Non, mais en fait comme tu les bouges, ça te met d'autres perspectives et tu peux interagir avec des objets. Enfin bref, c'est un peu comme tu vois un peu les Poly Pocket, les Mighty Max à l'époque. Oui. Ben c'est ça en fait, tu as des mondes qui sont dans des boîtes et tu peux interagir dedans et ça te fait des puzzles. Enfin, tu me le vends là. Bah, il faut regarder le, il faut regarder la conférence. Il y avait une démo qui était dedans et ouais, et c'est assez intéressant. Et sinon, il y avait. Vu comment tu la présentes, ça me fait peur. Donc je préfère. Non, mais il faut regarder. Non, mais après, ce jeu, tu me dis Polly Pocket, oui, et moi je. Ouais, mais toi, tu jouais les Polly Pocket. Je savais que les Polly Pocket c'était pour toi. Non, mais les MM là, Mighty Maniacs. Les Mighty Max, ouais. Mais Max. C'est un peu ça dans l'esprit. C'est très intéressant. Et sinon, il y avait aussi un petit trailer d'une exclusivité PS4 qui était le prochain jeu de The Chinese Box. Donc Amnesia, The Machine of Peak, The Rester. Le nom est un peu vague. Je crois que c'est un jeu qui est CryEngine aussi. C'est un jeu qui est fait CryEngine et qui est... on a vu qu'un petit trailer très très vague. Donc on va voir. Donc on a rien vu quoi. On n'a rien vu, voilà. Okay. Mais c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire que Horizon, c'est beaucoup, en fait, des intentions de jeu plus que des trailers. C'est une machine à rêve, mais c'est à toi de rêver, quoi. C'est un peu ça. Après, c'est très intéressant parce que c'est que du gameplay. Hein. Il demande du gameplay là-dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on verra. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la CGI aussi. Hein. Ah, ils n'ont pas aussi les moyens de faire de la CGI. Alors, après, c'est intéressant. Hein. Quadrilateral Cowboy, par exemple, qui a été présenté, ça fait 3 ans qu'on en parle et. Là maintenant, ils l'ont enfin présenté bien, quoi. Après, c'est des jeux qui sont très atypiques. C'est-à-dire que tu n'auras pas, ne t'attends pas à un FPS bourrin, guerrier et tout. Non, non, c'est des jeux différents. Donc maintenant, à voir si ça intéresse les gens ou pas. Absolument. Mais c'est sympa. C'est sympa. On va dire que ça contrebalance avec le 3 du coup. Voilà, exactement. Ça contrebalance avec le 3. Ça offre une fenêtre pour être visible aussi, comme les gens sont... Exactement, exactement. Dans le mouvement de regarder les conférences, ils disent, bah, tiens, hop là, une nouvelle, hop là, c'est peut-être pas la bonne, en fait, mais on aura peut-être voilà, c'est ça. Hein. Bah, il faut pas oublier que l'année dernière, à la première conférence, il y avait l'annonce de Phase 2, rigolons ensemble de Phase 2, parce que Phil Fish, après, il y a quelques mois, a balancé, enfin, annulé le jeu, sur un coup de colère, enfin, bref. Salaud. Mais ouais, donc voilà, Horizon ayant quelque chose de très jeune dans l'intention, et peut-être que ça peut se développer encore dans quelques années, on verra l'année prochaine. Bon, moi j'ai terminé, mon exposé de Horizon, voilà. Tu peux partir maintenant. Au revoir. Merci, Chino. Adieu. Adios. Donc voilà. Et alors on va parler du coup, alors on a vu les conférences, et les conférences étaient... fort intéressante, mais il y a eu pas mal de choses. Pas eu de grosse surprise absolue, hein. Pas eu de choses qui nous a fait waouh, on se souviendra toujours de 7e et de 7-3 parce que on a vu tel ou tel jeu. Et il faut pas oublier que c'était une conférence, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais c'était c'est surtout des conférences de jeux 2015. Voilà. Ouais. Voilà, on pourrait peut-être en c'est conclure. C'est surtout ça. Tout ça, alors après on va en parler justement parce que je l'évoquais notamment dans mon introduction au début de l'émission évidemment de différentes tendances qui se dégageaient notamment de cette E3 de toutes les informations qu'on avait eues. Alors notamment cette information là du coup de nombreux jeux qui ont été décalés à 2015 à l'E3 et même avant l'E3, c'est-à-dire que Batman a été annoncé pour fin 2014. Énormément de jeux voilà. Du coup alors on en revient au fait aussi par rapport, on l'évoquait, je crois que c'était pendant la conférence Sony, parce qu'on a eu beaucoup de trailers, de choses qui n'étaient pas jouables. Absolument. Et du coup, voilà, notamment chez Sony, on a The Order qui est en début 2015, on a Bloodborne qui est pour 2015, mais bon, ça c'était pas étonnant, Dead Island 2 également. Après, voilà, faut pas non plus s'étonner de voir tous les jeux en 2015, parce qu'il y a des jeux qui ont été annoncés qu'à l'E3, et donc forcément il y a un délai de développement qui est tel que. Oui, mais du coup, ça laisse, en dehors des licences annuelles, les licences sportives, Assassin's Creed, Call of, etc. En dehors de ces licences, vous m'entendez ? Absolument. Oui, maintenant, on t'entend. Voilà, donc en dehors de ces licences annuelles, comme Assassin's Creed, les jeux de sport, Call of, etc. En dehors de ça, et en dehors de quelques remakes, et quelques jeux annoncés depuis longtemps, je pense à Evolve notamment, le planning apparaît relativement vide en gros jeux, quoi. Mais disons qu'on n'a pas cet effet de... on va faire la comparaison avec le début de génération précédente, où au début de génération précédente, il y a eu quand même beaucoup de licences qui sont arrivées et qui se sont imposées. Faut pas oublier qu'Assassin's Creed... Assassin's Creed est arrivé en début de génération, Uncharted est arrivé en début de génération, il y a pas mal de licences qui ont commencé à apparaître et qui se sont imposées en début de génération. Là, j'ai l'impression que en ce début de génération, il n'y a pas grand chose, quoi. Il n'y a pas eu cet effet. Allez, proposons une licence. Rise. Rigolons ensemble. Non, mais Titanfall. Voilà, il y a eu Titanfall. Enfin, c'est pas nouveau, Infamous. Non, Infamous, c'est pas nouveau. Bah, d'ailleurs, on peut le citer comme nouvelle licence de la génération précédente. Voilà. Oui, d'ailleurs. Mais, c'est ça. Justement, ça montre ce que je disais tout à l'heure. C'est que les consoles n'étaient absolument pas prêtes. Elles sont sorties trop tôt par rapport à ce qu'il y avait de potentiel dessus. Mm-hmm. Et malgré tout, la génération précédente a été extrêmement longue. Oui, et elle voilà, continue et c'est encore, faut pas oublier. Voilà, mais c'est qu'ils arrivaient au bout et que c'était nécessaire de sortir ces consoles. Mais derrière, structurellement, ils étaient pas prêts. Les développeurs étaient pas prêts. Les jeux sont de plus en plus longs à faire, mm-hmm. Coûtent de plus en plus cher. Et oui. Donc on peut pas lancer de nouvelles licences comme on a pu le faire déjà où c'était difficile. La génération précédente, là on peut plus le faire aussi facilement, et en plus les développements sont très longs, et donc on voit que il y a un énorme trou. Ce que la Wii U a vécu l'année dernière sur les 6 premiers mois, c'est exactement ce qui se passe là pour la Xbox One et la PS4. Mmh. Et voilà, c'est difficile de passer à une nouvelle génération actuellement. Vu la façon dont est fait le marché. Ah bah oui, et puis il faut pas oublier aussi que je te coupe, excuse-moi Romain. Vas-y. Mais il faut pas oublier que maintenant que un échec total d'un jeu peut signifier la fin d'un studio. Je veux dire, il y a tellement de risques pris sur le développement d'un jeu, surtout triple A. Parce que bah, on parle surtout des triple A, le 3 c'est le salon triple A. Même quadruple A. Voilà, on parle même maintenant de jeux quadruple A parce que c'est tellement énorme. Quand tu vois que Assassin's Creed Unity, il y a, je crois qu'il y a 3 ou 4 studios. 10 studios. Il y a 10 studios Unity. T'as 10 studios derrière. C'était bien loin du chiffre. Ah oui, oui, non, mais tu as tout. C'est vraiment. Il y a de gros moyens derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que l'échec d'un jeu pour. Même un développeur qui est. Enfin, pas moyen, mais même gros, parce qu'on va parler un petit peu des rumeurs de Crytek, puisqu'il y a eu des rumeurs de Crytek dernièrement avec des gens impayés, tout ça. On voit que Crytek est maintenant est en danger, puisqu'il y a eu l'échec de Rise, il y a eu. Ils font des jeux pourris. Non, attends, s'il te plaît, commence pas à faire contrôle. Mais ce que je veux dire, c'est que Crytek derrière, faut pas oublier que c'était quand même. C'est quand même un gros développeur avec un moteur derrière aussi à vendre, tout ça. On voit que l'échec de un ou deux jeux, puisqu'apparemment Crysis 3 non plus n'a pas eu le succès escompté. Ouais. Voilà, on il voit a dû que coûter bien cher aussi. Il a coûté bien cher aussi, voilà. C'est-à-dire que tu vois que deux trois échecs, enfin un ou deux échecs et hop, tu peux te retrouver en danger. Et encore Crytek, ils ont leur moteur. Ils ont leur moteur, mais apparemment ça leur suffit pas. Ça leur voilà. suffit pas. Voilà. C'est-à-dire voilà, on voit que même maintenant le moteur même eux qui ont une source de revenus à côté. Mmh. C'est difficile pour eux. Alors pour des développeurs qui n'ont même pas cette source de revenus qui est assez conséquente, j'imagine, chez Crytek. Bah oui, bah tu vois Crytek, tu vois. C'est vraiment difficile, quoi. Voilà, donc quant à ça, voilà, maintenant Crytek espère s'en sortir avec un MOBA. C'est te dire à quel point ils sont dans la merde quand même. C'est enfin, te dire à quel point ils font des mauvais choix aussi. Parce que, ils font des mauvais choix. Alors après, voilà, je veux dire, ils ont fait des mauvais choix, ils se sont plantés, ben maintenant ils ont payé des conséquences, c'est tout. Mmh. Mais c'est pour ça que de plus en plus, les gens ne prennent plus de risques et font suite, parce qu'ils savent que il y a un midi. Du coup, c'est une spirale. On parle des suites, on peut aussi parler des remakes HD. Bah ça c'est la solution de facilité. Voilà, pour combler plein. Ça rapporte de l'argent, c'est pas dur à faire. Bah, c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de taper une équipe voilà, à faire tourner. Et ça te remplit en planning. Exactement, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait au cinéma avec le retour de la 3D par rapport à, notamment, je me souviens des Pixar ou de... Ouais, les Rois Lions, voilà, et puis voilà, ça faisait de l'entrée facile. Sorti au cinéma en 3D. Bah, Titanic aussi, tout ça. Maintenant, ça s'est bien tassé, et puis... Un petit peu de... Tu mets quelques personnes à faire l'adaptation, et puis c'est parti. Ah, alors, c'est ça. Après, pour les jeux, je dis pas non plus qu'il faut juste faire un transfert de données pour que ça passe nickel et tout. Il y a quand même un travail... Oui, mais c'est vraiment des petites équipes sur assez peu de temps pour pouvoir faire quelque chose de correct. Bah, s'ils mettent à peine, c'est un an après, même pas un an après, Last of Us qui ressort en HD. En HD, ah, mais même, j'imagine que la conversion, ça doit être quoi ? Ça doit leur prendre 6 mois, grand maximum. 6 mois, allez, grand max, ouais, allez. Si c'est vraiment une petite équipe, après, je pense que s'ils mettent un peu de monde, ouais, en 1-2 mois, c'est fait. Après, ça dépend du jeu, évidemment, mais voilà, c'est pas non plus... Et c'est pour ça que souvent, je vais digresser un petit peu sur le Japon, mais c'est pour ça que Platinum Games, tous leurs jeux, tu vois que derrière, il y a quand même un mécène, entre guillemets, derrière. Je veux dire, sans mécène derrière, Platinum Games ne se risquerait pas à faire... De toute façon, ils pourraient pas... c'est un peu comme Grasshopper, où c'est des mecs qui sont habitués à faire des jeux qui sont soit rentables... soit très peu moyen, qui sont pas rentables mais qui sont pas déficitaires, soit qui sont juste un peu déficitaires. Voilà. Et du coup, pour financer des jeux, il leur faut un éditeur, il leur faut un mécène obligatoirement. Mmh. Et c'est des studios qui ont la chance de faire des jeux suffisamment atypiques et acclamés acclamés pour Grasshopper, c'est vite dit, mais qui ont une certaine aura, ouais. Voilà. et qui repose sur l'image. Du coup, voilà. Les éditeurs se les payent pour avoir une image. Exactement, on le voit avec la dernière annonce avec Activision pour l'Enchant of Korra. Voilà, Platinum Games, ça impose, on va dire, quelque chose. Ouais. Je vais juste finir là-dessus. On va passer à une autre thématique. Je t'en prie. Vous aviez d'autres choses. Non. Là, c'est non. Pour vous. Ouais, c'est bon pour nous. Donc, la deuxième thématique est sponsorisée Toontoon, puisqu'il s'agit du retour de Nintendo. Moi, j'aurais pas dit le retour, j'aurais dit le succès de communication de Nintendo. Après, ça passe par là aussi, c'est un des lecteurs. C'est ça aussi, hein. Je suis très en partie d'accord avec toi. Ah. Tu vois ? Non, parce qu'il y a quand même, derrière, il y a quand même des jeux. Il y a des jeux derrière. Après, je dis pas qu'il y a pas de jeux. Je dis juste qu'après que Nintendo a réussi pour une fois à bien les présenter. Voilà, la différence, parce que l'année dernière, tu regardes, il y avait des jeux. Il y avait Mario Kart, il y avait Super Mario 3D World. Super Mario 3D World, à la sortie de l'E3, personne n'était emballé, alors que c'est un jeu incroyable. Et personne n'était emballé parce qu'ils avaient complètement foiré leur présentation. Mais parce qu'ils ont, trop, on va dire, ça a été qu'un Nintendo Direct de plus. Alors un Nintendo Direct maxi format, mais t'avais l'impression que c'était présenté comme un Nintendo Direct lambda. Tandis que là, j'irai pas jusqu'à dire quand même que l'absence de Satoru Iwata était un bien, parce que bon, faut pas déconner non plus. Mais voilà, je trouve que la présentation... Non, mais enfin, ça aurait rien changé, puisque de toute façon, c'était préenregistré, donc... Voilà, donc, Reggie qui... D'où l'intérêt, alors du coup, je te coupe. Vas-y. D'où l'intérêt que ce soit préenregistré, parce que imagine qu'ils avaient prévu de faire ça en direct, en une conférence. Non, parce que j'imagine que son opération, elle était prévue depuis quelques temps. Oui. Peut-être, Il y a de ça aussi, mais bon, dans l'absolu, voilà... Mais je trouve que déjà, Reggie a plus de... C'est un vrai communicant. Voilà, c'est un vrai communicant. Même on sait qu'il vient, de la communication. Il vient de la communication, faut pas oublier ça. Donc voilà. Tandis que Satoru Iwata est un pur développeur. Donc il y a une grosse différence à ce niveau-là. On sent que Reggie a l'habitude. Tandis que Satoru Iwata, c'est plus quelqu'un qui va. Il est plus à l'aise derrière. Take a look. Voilà. Please take a look. Directly to you. Mais c'est ça, tu vois. C'est ça, en fait. C'est que Satoru Iwata, c'est pas un communicant. Alors après, sur les Nintendo Direct, bon, ça fait le taf. Ouais, mais rigolo, il y a des formules un peu fun et tout. Voilà, c'est et ça, maintenant. Beaucoup, là, tu regardes la baston dans... Voilà au début du Digital Event, c'est bien, c'était hype. Puis avec Et il reprend des trucs qu'il fait dans les Nintendo Direct habituellement. C'est ça. Ils ont réussi, on va dire... C'est pour ça que je dis que finalement, les Nintendo Direct ont été presque un échauffement. Ouais, par rapport ils sont rodés sur ça, et là maintenant on voit le résultat, ils ont bien réussi leur E3, en partie grâce à leur communication, et derrière il y avait des jeux. Voilà. Et aussi, ça a très peu fuité au niveau des jeux. C'est-à-dire qu'on a... Mais comme d'habitude. Ouais, non mais après faut... Il y a juste Mario Maker qui a fuité quelques jours avant. Ouais, et comment il s'appelle, Star Fox, mais Star Fox n'est pas présenté directement à la conférence. Star Fox, ouais... Il n'a pas été du tout présenté, mais enfin, il était... Alors, voilà, c'est un surtout, je pense, le point à retenir, et le point que les autres constructeurs vont retenir, en tout cas Microsoft, je pense, c'est que la com, c'est pas juste sur la conférence pré-E3. Sur la conférence, je pense qu'il allait dire ça, à mon avis. Parce que j'ai... ça a coupé. Oui, ça a coupé, c'est pour ça que je pense. Voilà. Oui, du coup, oui, c'est de... par rapport à la conférence pré-E3, donc là, le Digital Event, c'est que la communication, c'est sur tout le long de l'E3. Oui. C'est très important. C'est étalé et les annonces continuent au cours de l'E3. C'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire déjà avec les Roundtable, mais mm-hmm. qui là, avec leur système de communication sur leur stand, le Treehouse, où les développeurs venaient faire une démonstration de leur jeu pendant toute la journée. On a eu, en fait, on a eu un stream tout le temps, pendant toute la durée de l'E3, sur des jeux Nintendo qui étaient présentés par des développeurs, qui étaient joués en direct. Et ça, c'était super important. Bah, il faut pas oublier que ça se fait aussi chez les autres. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais le truc, c'est que... on va dire que, à la différence de Nintendo, Microsoft et Sony ont pas centralisé. C'est-à-dire qu'ils vont, aller chez IGN, ils vont aller voir Game Trailers, et ils vont faire leur présentation là. Voilà. Tandis que Nintendo a dit, OK, on prend en main notre communication, on va faire ça, ça, ça, le Treehouse, OK, on va le présenter. C'est nous qui allons le présenter. Ils ont vraiment centralisé la communication. Et surtout, ça a un gros avantage pour eux. Après, pour d'autres, je sais pas, mais pour eux, c'est que ça court-circuite complètement les journalistes, qui, on l'a vu, et les journalistes sont pris quelques petites piques dans les vidéos Robot Chicken du Digital Event, où Nintendo a très mal digéré beaucoup de critiques qui ont été faites par la presse. Et du coup, ils se mettent complètement en marge, ils créent leurs propres événements, et du coup, ils maîtrisent totalement de A à Z la communication, le rythme, et ce qu'ils montrent. Et ça, c'est très important. Et du coup, voilà, ça nous a permis de voir, juste après le Digital Event, où on pensait que, bah voilà, ils avaient fait leurs annonces et tout. Ah bah non, juste derrière, il y a un Star Fox, il y a les projets... il y a des projets qui sont, eux, des prototypes et qui seront pas sous cette forme. Et beaucoup plus des prototypes, je trouve. Surtout, même Star Fox, je pense que ça va être rodé plus tard. Prototypes. Voilà. Même Star Fox, je trouve. Star Fox, c'est plus on a eu surtout des intentions dans les interviews. Voilà. Mais on a quasiment rien vu du jeu, à part une image, je crois, un screen. Oui, et puis Miyamoto. Et voilà. Voilà. Et ils ont montré, via les Treehouse, ils ont montré beaucoup plus que ce qu'ils avaient montré dans la conférence. Ils ont annoncé aussi, via une mini-conférence pendant le salon, le codename Steam sur le nouveau Intelligent Game sur 3DS. Et voilà, et ils maîtrisent tout de A à Z. Ils sont complètement en marge. Et du coup, ils sont maîtres de leur destin, on va dire. Mais quand c'est maîtrisé... Non, mais c'est ce qu'ils avaient essayé de faire l'année dernière. Et ils l'avaient pas du tout maîtrisé. Et là, ils l'ont maîtrisé, et on voit la différence. Et voilà. Et pourtant, ils ont des bons jeux, mais l'année dernière, ils avaient déjà des bons jeux. Donc voilà, c'est vraiment une question de communication sur cette. Et puis je pense qu'ils ont aussi Mario Kart qui est sorti, qui leur a aussi permis de souffler un petit peu. Ouais. Ouais. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus, les jeux Nintendo, notamment sur génération précédente, ont l'habitude, même en général, de se vendre sur la durée, et du coup, ça va leur permettre après d'enchaîner sur Smash Bros et d'être bien pour Noël, quoi. Voilà pour Nintendo. Rapidement, la scène indé. Bah, la scène indé, toujours aussi riche, toujours aussi porteur de jeux intéressants. Toujours aussi enthousiasme à l'image du prochain projet de l'équipe de Limbo. Bah oui, ce qui est quand même ce qui paraît être intéressant, on va voir. Je t'avouerais que je suis assez inside, hein, c'est ça, voilà. C'est inside. Inside, oui, mais l'univers. Moi, j'avais pas kiffé Limbo, donc. On va voir. Après, voilà, c'est une histoire de. Les indés, de toute façon, on sait très bien que les trailers sont pas non plus. Bon, on voit le gameplay, tout simplement, mais on va voir comment que ça se passe au niveau du. Comment ça joue, si c'est intéressant à jouer, l'histoire, et c'est tout ça aussi, c'est un tout. L'intérêt, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment, on va dire, le jeu indé, entre guillemets, institutionnalisé dans les conférences. C'est-à-dire que si on n'a pas de jeu indé. C'est la continuité. C'est la continuité de l'année dernière, tout simplement. Je pense que c'est ouais, une continuité. Mais hein. Ça fait plusieurs années maintenant que. Maintenant c'est même plus. Enfin, je veux dire, c'est même plus étonnant maintenant, tout simplement. La scène indé est installée. Sony a mise dessus. Microsoft commence aussi à accrocher les wagons avec le programme. C'était ID at. ID at Xbox. Voilà, c'est ça. ID at Xbox. Là aussi, commence à faire. Commence aussi à vouloir accrocher les wagons. Donc, ils s'y prennent peut-être un petit peu tard. Aussi, puisque Sony a quand même Microsoft. Pas mal de. Voilà. Ce qui est étonnant, parce que Microsoft avait quand même, je trouve, notamment sur la génération 360. Ils avaient pris beaucoup d'avance, mais ils ont abandonné. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas su évoluer là où Sony et Nintendo ont fait énormément pour les attirer. Exactement. Et Microsoft n'a pas évolué. Ils ont des conditions. Enfin, ils avaient jusqu'à récemment des conditions un peu dingues. Un peu style WiiWare à l'époque de Nintendo. La présentation, il me semble. La présentation, ouais. Ils commençaient déjà à avoir. Les indés n'étaient pas d'accord avec Microsoft. Mais d'ailleurs, c'était pas du tout dans leur communication. Voilà. Où Sony a directement. Insister avec du Octodad. L'année dernière, ils avaient enchaîné, notamment, tu parlais de l'écran, du fameux écran. Ouais, où il y avait eu les quatre présentations, il y avait Octodad, il y avait le Oddworld New and Testy. Ouais. Ouais, Don't Starve. Don't Starve, il me semble. Ouais. Et puis un quatrième de. Non, je sais plus, ouais. Voilà, c'est un truc, de toute façon, c'est une partie, Sony, c'est une partie de leur communication, et je pense qu'ils ont totalement raison. C'est ce qui fait vivre la PS Vita actuellement. Et ça remplit un planning, tout simplement. Je veux dire, quand tu as un jeu d'un développeur indé reconnu, c'est quand même intéressant. Quand tu as, par exemple, Jonathan Blow qui te présente son jeu, qui a quand même maintenant une certaine aura, ça remplit quand même très bien ton planning. Alors après, c'est sûr, ça va se vendre à, sans aucune mesure, par exemple, à Uncharted. Mais ça te non, fait mais quand même des ventes intéressantes. Il y a certains succès qui se vendent à plusieurs millions. Et, voilà. Et bah après, bon, c'est après, plus sur la longueur. Minecraft, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà. Et puis, c'est pareil, sans refaire le débat du dématérialisé et du jeu indépendant. Donc, ça se passe forcément par dématérialisé. Hein, ouais. Et forcément, la communication n'est pas la même parce que tu as la possibilité de te mettre en avant. En magasin ou quoi que ce soit, tu n'as pas. Évident, voilà. Après, tu as quand même de la communication derrière. Je veux dire, par exemple, Journey, je prends l'exemple de Journey, il y a quand même eu de la communication derrière. Mais on est au-delà du jeu indépendant, je trouve, pour Journey, parce qu'on a. Là, c'est un débat. Journey, c'est plus du jeu indé. C'est un peu comme Devolver, qu'on a beaucoup vu chez Sony, et qui est plus vraiment du jeu indé. Ils ont l'esprit. Bah, Devolver, c'est plus un. Je veux dire, c'est plus un éditeur. Voilà, c'est un éditeur. Après, c'est un éditeur qui a sa mentalité. Mais voilà, sa philosophie. Ils ont l'esprit indé. Ils voilà. Viennent de la scène indé. Et ils se le revendiquent indé. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont fait un barbecue quand même dans le parking. Hein. Ça, c'est quand même ultra classe. Et, voilà. Et je pense que c'était la bonne idée parce que ça a pas dû leur coûter. Non, beaucoup d'argent par rapport à un stand sur le show-floor. Et c'était très rock'n'roll ce qu'ils parlaient. Voilà, et on en a entendu beaucoup parler. Voilà. Beaucoup entendu parler. Exactement. Dans le bon ordre. Voilà. Mais enfin voilà. Et tu parlais de la communication c'est en marge de l'E3, mais beaucoup de choses passent par Kickstarter maintenant au niveau indépendant et les constructeurs n'ont pas besoin de communiquer dessus pour que on en parle et pour que ça acquiert une certaine aura. Kickstarter et de la communication un petit peu aussi, je veux dire, Kickstarter, quand tu lances ton jeu sur Kickstarter... Le fait de lancer ton jeu sur Kickstarter, c'est de la com. Tu peux pas faire sans com. Sans com du tout. D'ailleurs, il y a un article qui est très bon de William Duro sur Gamekult qui présentait justement le jeu indé, et tu vois que certains... qui présentait justement les divisions un petit peu du jeu indépendant, et tu vois que certains développeurs n'arrivent pas à comprendre que il faut communiquer pour vendre ton jeu. Il faut se forcer de toute façon. Donc, de toute façon, tous ceux qui ont eu des financements réussis, et même ceux qui ne l'ont pas eu d'ailleurs, je pense à Alexis Numérique avec leur taxi, je ne sais plus comment taxi c'est. Taxi de journée, je crois, non, c'est pas ouais, ça c'était ça. Ouais. Où il disait que c'était un mois où tu travaillais plus sur le projet, mais tu travaillais réellement à communiquer tous les jours. Voilà, c'est un vrai travail en soi, quoi. C'est un vrai travail en soi. Il faut une personne qui soit à 100% là-dessus. Moi, j'ai lu aussi un article sur, je crois que c'était sur Canard PC qui présentait justement les Kickstarter. Enfin, qui... il y a une vraie science, il y a un vrai modèle économique derrière, en fait. Voilà, il y a un vrai modèle économique. Et c'est pas... il y a un timing au niveau de la présentation. Voilà, et c'est pas seulement, voilà, coucou, on vous présente un jeu, il faut savoir quand on le présente, il faut pas le faire pendant l'été, il faut le faire autrement, enfin voilà. Mais t'as plus de chances aussi de bien le vendre si t'as déjà, si t'as pas juste, genre. Ah bah, tu le vends pas si t'as pas lancé, quoi. Tu le vends pas si t'as rien à montrer, hein. Non, mais alors il faut être Faut qu'il soit voilà. Bien avancé aussi. Si tu peux montrer déjà des plus ton jeu va être avancé, voilà. Il faut ça. Plus tu auras de chance d'arriver au bout de ton Kickstarter. On va quand même pas faire tout sur Kickstarter, mais ce que je veux dire, c'est que tu finis là-dessus, puis on passe à l'autre. Exactement, jeu. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent Kickstarter est utilisé pour terminer un jeu aussi. C'est pour payer des frais de notamment de com, de publication, voilà, etc. Voilà, c'est souvent ça. Donc voilà, c'est pas le fantasme de on fait un Kickstarter pour faire un jeu en entier. Souvent, c'est pas ça du tout. Voilà. Tout à fait. Alors. On va revenir rapidement, on va évoquer rapidement le sujet maintenant. Le Japon abandonne le 3. C'est vrai qu'on a là encore, mis à part Nintendo, mais quand on regarde les autres... Metal Gear Solid 5. Tu enlèves Nintendo, tu as Metal Gear Solid 5. T'as Grasshopper et Bloodborne aussi, Let's Games. Die. Bah t'as quand même... après, on peut aussi Bloodborne. Ouais. Mais qui est... Enfin, ouais, qui est plutôt... Ce qui est surprenant, c'est que les grosses cylindrées japonaises d'avant, c'est-à-dire Konami, Capcom, Square Enix. On n'a pas vu Square Enix. On l'a vu, mais en marge. On a vu Batman. Batman, faut pas oublier que c'est Square Enix. C'est Warner. C'est Warner. Oh, c'est Warner. Oui, Square Enix, c'était pour le premier, excuse-moi. Et Eidos, c'est Tomb Raider, du coup. Voilà, c'est Tomb Raider. Voilà, mis à part Tomb Raider, par une cinématique, pas de Final Fantasy, rien. Bah, c'était prévu, hein. Il y a un FF Explorer qui a été annoncé en marge dans le Famitsu. Voilà. Mais c'était au-delà des. On sortait de la communication auprès des conférences, oui. Tu parles de Final Explorer. De toute façon, c'est. Le Japon abandonne le 3, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas que le Japon a pas de jeu à présenter, ça veut dire qu'il ne communique plus sur ses salons occidentaux. Comme le truc de Spike TV à la fin de l'année, je sais plus comment ça s'appelle. VGX. Voilà. C'est exclusivement occidental et on voit très peu de japonais à part du Sony, à part du Nintendo. Voilà, ça existe pas. Et du coup, la génération précédente, ils ont essayé de faire énormément d'efforts en acquérant des développeurs occidentaux, en essayant de faire des trucs plus occidentaux, ils se sont rendus compte que ça marchait pas, et ils sont en train petit à petit de se recentrer sur eux, ce qu'ils savent faire, et sur leur marché aussi, puisqu'il y a encore beaucoup de licences qui marchent très bien là-bas, et qui marchent pas ailleurs, et du coup qui sortent plus ailleurs. Et petit à petit, de toute façon, on va aller voir réinvestir le TGS, qui était à l'abandon total depuis 2-3 ans. Et petit à petit, on va aller voir réinvestir le TGS. Et du coup, on va avoir une fracture vraiment entre le développement à l'occidental et le développement à la japonaise. Après, je sais pas vraiment si le TGS va vraiment être aussi flamboyant que ça. Je sais pas, par exemple, là, je prends l'exemple de Capcom. Capcom, ça a été vraiment une surprise qui est... rien de rien, c'est-à-dire qu'on voit, là je regarde les jeux présentés dans les conférences, on n'a pas eu, il me semble pas qu'on ait eu on a eu le DLC de Dead Rising 3 machin là. Oh. Ouais, voilà, vas-y, montre ton enthousiasme. mais c'est tout quoi, je veux dire. Oui, mais voilà. Est-ce qu'on aura, ça veut pas dire qu'ils ont rien. Ce qu'on aura, ça sera le TGS. Ils ont déjà Monster Hunter, le truc qu'ils avaient montré l'année dernière là. Oui, comment il s'appelle encore, Deep Down. Voilà. Square Enix, ça va être pareil. Au TGS, on va avoir Kingdom Hearts 3, on va avoir FF15, on va avoir. Je suis pas sûr qu'ils le présentent au TGS. Franchement, je pense que les jeux sont encore pas assez avancés. Je regarde, t'as l'impression vraiment que il y a un vrai retard. Je veux dire, quand tu vois que Square Enix ne présente rien cette année encore pour Final Fantasy XV et Kingdom Hearts 3, alors que c'était la fenêtre de tir idéale. Pour moi, quoi. C'est fait exprès. Hein. Pour moi, c'est ça va être le TGS. Tu crois Ouais, parce que c'est des trucs. Et ils se rendent compte que quoi qu'ils fassent, à l'E3, on se fout de leur gueule. Je pense qu'ils auraient présenté Final Fantasy XV, ça aurait été. Je pense ouais, que ça, ça aurait fait l'effet. Ouais, Kingdom Hearts 3 l'année dernière, où c'était une pauvre démo technique foireuse qu'ils ont dû faire deux semaines avant, tout le monde a applaudi, je suis d'accord. Parce que, bah oui, mais au moins c'était une annonce. Je veux dire, quand tu vois. Bon, Konami, ils avaient Metal Gear 5, voilà, ils avaient Metal Gear Solid. Ils ont PES qu'ils ont montré en Behind Closed Door. C'est tout. C'est, je veux dire, c'est triste. Mais Konami, ils ont rien d'autre. Hein. C'est, ah, ils ont rien d'autre. Ils s'en prennent des études. Capcom, on sait pas vraiment non plus parce que deep down, ça peut se casser la gueule, ça peut marcher. Heureusement qu'ils ont Monster Hunter. Monster Hunter. Oh, deep down, c'est encore assez nébuleux. C'est encore assez nébuleux. L'année dernière, ce qu'on a vu, c'était à peine du gameplay, quoi. Voilà. Non, ce qui peut les sauver, par contre, Capcom, c'est qu'ils ont un moteur. Ils ont un moteur qui apparemment est prêt pour l'année, pour la prochaine génération. Ça peut les aider pour faire des jeux. Non, mais bah, ils ont encore des trucs dans les cartons. Resident Evil, le dernier, ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. On sait qu'ils bossent dessus depuis plusieurs années. Voilà, à un moment, ça va sortir. C'était pas là le 3. Je pense qu'il y aura une annonce, au TGS. On va voir au TGS. Moi, je sais pas. Moi, franchement, je suis plus dubitatif que ça parce qu'il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a une mutation du marché japonais qui est en marche. On le voit, bah, ça fait déjà depuis plusieurs années, mais la PS4 ne marche pas assez. On l'a vu. Mm-hmm. La Xbox One va arriver dans un différent général parce que c'est Microsoft. Ouais, voilà. La PS4, pour revenir à ça, la PS4 est sortie en dernier au Japon, le 22 février. Oui, mais tu vois la vente. Dernier, la Xbox One n'est pas sortie. Voilà, la Xbox One n'est pas encore sortie, mais on sait déjà que ça va être un flop parce que ça va être une indifférence. Ils sont pas du tout occupés du marché japonais. Donc voilà, exactement. Mais tu vois que même la PS4, ça fait, ça commence à faire quoi, 2-3 mois qu'elle est sortie maintenant. Ouais, 3 mois, je crois. 3 mois, mais on voit que le rythme de vente. Stagne à 10 000 ventes par semaine. Voilà, plus. C'est-à-dire c'est le rythme d'une Wii U. C'est le rythme de la Wii U. Voilà. Voilà, un petit peu plus qu'une Wii U, mais vraiment pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas le rythme de même d'une PS3. Je veux dire, la PS3, elle a peut-être commencé, beaucoup mieux que la PS4, ouais. Alors qu'elle avait vraiment des tares, quoi. Oui. Je vais finir Toon et je vais continuer et on va passer au sujet d'après. Après. Pas de souci. Mais voilà, non, mais il y a une vraie mutation du marché japonais qui est en marche, qui est plus axée sur les consoles portables et aussi sur le marché mobile qu'il faudra pas oublier non plus. Et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier dans le prochain. C'est quelque chose qui sera pris en compte dans le prochain TGS. On parle de l'abandon, justement, cette transition. Exactement, on parle du Japon qui est en retrait, on va dire, sur le 3. Ça se remarque aussi par rapport au. En console portable, parce que la Nintendo 3DS et la PS Vita sont des produits purement japonais, de constructeurs japonais, j'entends. Oui. Et du coup, mais alimenté exclusivement par des japonais aussi. Absolument. Alors Nintendo, c'est encore pire parce que Nintendo, pour la 3DS, pardon, il y a que Nintendo qui. Je caricature à peine, notamment sur les ventes de jeux. Il y a Monster Hunter, il y a les Level 5. Les Japonais. Il y a des Japonais, mais comparé à la Wii U, il y a beaucoup de tiers sur 3DS. Hein. Je veux dire, à part le Monster Hunter, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux tiers qui sont porteurs? Les Level 5, il y a. Et encore, peut-on parler de jeux tiers quand il y a Monster Hunter, puisque c'est distribué par Nintendo, faut pas l'oublier non plus. Oui, mais c'est pas développé. C'est distribué aussi. Ce qui peut être considéré aussi comme jeu first. Ouais, c'est du second partie. Voilà. Mais oui, de toute façon, voilà, on le voit au fait que Nintendo est largement majoritaire sur 3DS, c'est que cette année, il n'y a quasiment aucun jeu qui est présenté sur cette console, et que c'est normal, puisque Nintendo est exclusivement occupé à développer des jeux Wii U. Nintendo, on a juste eu Smash Bros. Et Pokémon, quoi. Après, est-ce qu'ils vont se vendre par palette Oui, c'est l'assurance vie de Nintendo, quoi. C'est un petit peu, c'est comme Auxerre, quand ils faisaient les transferts, c'est leurs petites économies, tu vois. Cette référence. Mais oui, mais faut pas gâcher, mon cher. Papa Guy. Oui, Guy, si tu nous écoutes. Mais du coup, oui, voilà, Nintendo n'a rien à présenter, du coup, il n'y a pas grand-chose de présenté cette année. Et la Vita, c'est encore pire, puisque Sony ne s'en occupe De toute façon, absolument pas. C'est de bien accessoire. À part en faire une nouvelle version moins chère, qui leur coûte moins voilà, cher. Et si, là, c'est si, devenu... ils foutent du cross-buy. Voilà. Du cross-game avec PS3, PS Vita ou PS4. PS4. Mais il y a eu une interview, je crois, d'un mec de Sony où il disait clairement que la PS Vita, maintenant, stratégie, c'est devenu un support de la PS4. Oui, ça veut dire comme un deuxième écran, en fait. Voilà, mais ça veut tout dire. C'est plus considéré comme quelque chose d'important. Et c'est bien dommage. Et même maintenant, dernièrement, Sony a annoncé lâcher vraiment les exclusivités, les jeux first party. Les jeux, ils ont bien compris que leurs licences ne marcheraient pas, sont pas assez porteuses pour fonctionner sur un marché portable. Mm-hmm. Et du coup, voilà, ils laissent à disposition des indés en Occident et des éditeurs AA sur le Japon. Mmh. Et voilà, c'est du marché de niche. Elle va fonctionner comme ça. Je pense que le PSN Plus aide bien aussi à ce qu'elle fonctionne pas trop mal. Mmh. Et voilà, et elle va survivre comme ça pendant jusqu'à ce que Sony décide certainement de débrancher. Certainement passe à une nouvelle génération de consoles de salon. Parce que ils ont dit que c'était en gros, je sais plus qui a déclaré ça, mais un dirigeant de Sony a dit que la PSP à la base quand elle est sortie, donc on était encore à la PS2, du coup ça faisait des jeux de qualité PS2, et donc les gens étaient tout fous à se dire ah, j'ai un jeu PS2 dans mes mains. La PS3 est sortie, la PSP a pris un coup de derrière la nuque parce que techniquement c'était plus au niveau, et pour la Vita c'est pareil, quand elle est arrivée c'était des jeux PS3. On se souvient de la présentation d'Uncharted où c'était la claque graphique, etc. et la PS4 est sortie, et du coup elle prend un coup de vieux. Sony, ils voient leur console comme ça. Moi je la vois pas du tout comme ça, et je m'éclate heureusement beaucoup dessus, mais malheureusement ils la voient comme ça, et du coup ils vont faire absolument aucun effort pour la soutenir. T'éclates dessus, heureusement que je t'ai demandé de la recharger ce week-end pour voir ce que ça donnait. Hein. Ouais, mais j'ai repris mon PSN Plus et j'ai téléchargé Dragon Crown, et je peux te dire que ça va envoyer du pâté. Pas mal. Du bien. Et il y a eu Terraway l'année dernière, et c'était très très très très très très bien. Voilà, ça veut tout dire, quoi. L'année dernière, on est au mois de... au mois de décembre. Oui. Voilà. Alors, on va passer au sujet suivant, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. Non. Alors, rapidement, peut-être, Ubisoft, sauveur des constructeurs, point d'interrogation. Pour moi, oui. Pour les tiers, oui. Sur les consoles Microsoft et Sony, c'est eux qui ont présenté quasiment les jeux les plus intéressants. On va dire que c'est le premier des tiers dans les deux consoles next-gen. Voilà. C'est eux qui montrent la voie de leur type de jeu à faire. Après, de là à aller dire sauveur, je serais pas jusque là, mais alimenteur de jeux vraiment qui en mettent bien plein la vue, oui, je veux bien. Après, sauveur, le mot est un peu galvaudé. Peut-être pas sauveur, mais leader en tout cas. Leader, voilà. C'est eux qui ouvrent la voie. Voilà, on va dire ça. C'est vrai que Electronic Arts a vraiment rien présenté de Wahoo, et puis Activision ne fait pas de conférence, donc. Et puis ils ont un parc Call of et Skylanders, ils ont rien. Voilà, on sait très bien qu'ils ont un business plan qui sont axés sur deux jeux, donc enfin sur deux séries, donc voilà. Mais Ubisoft, c'est leader, plus leader des tiers. Surtout que... ils arrivent, on va dire à chaque fois, j'ai l'impression que chaque sortie de jeu, c'est rare de voir un jeu Ubisoft. En tout cas, c'est pas souvenir d'avoir vu un jeu Ubisoft qui soit fait déchiré par la critique, quoi. Le moment où ils se prendront à un vrai vent de la critique, ce sera là que ce sera intéressant de voir la réaction, quoi. Watch Dogs, déjà il a pris un petit coup par rapport à ce qu'il avait annoncé. Un petit coup, mais ça pas, enfin après la communication derrière est assez énorme. Ils ont pété des records, hein, ça, voilà. Non mais la communication derrière est là aussi, elle est assez énorme sur Watch Dogs, donc voilà. Mais on va dire que leader des tiers pour la next gen peut-être, voilà, pour l'instant en tout cas. On va voir comment ça se passe avec EA qui pourrait proposer encore des jeux derrière, ou même Activision, mais on verra. Voilà, on va finir sur deux, sur trois, là, il nous reste encore trois, excusez-moi. Mm-hmm. Alors, le Open World, c'est un peu la nouvelle, les deux mots magiques. C'est déjà le cas l'année dernière. C'est une tendance qui se confirme, tout simplement, moi, je pense. Hein. C'est les capacités des consoles qui permettent ça. C'est ce qui mettait vraiment en avant quand avec la Next Gen, c'est-à-dire que avant l'année dernière, enfin la génération précédente, c'était les graphismes en eux-mêmes. Bien sûr, ça a encore une importance pour la nouvelle génération, mais on nous promeut vraiment une aire de jeu immense. Vraiment l'ouverture de l'espace de jeu, quoi. Et j'ai quand même hâte de savoir ce que ça va donner avec Rockstar qui quand ils se mettront. Moi, ouais, Division m'interpelle pas mal, en fait. Je suis pas du tout fan du genre, mais... On va voir ce que ça va donner. Il y a le côté persistant, et c'est les nouvelles mécaniques qu'il apporte avec lui, en fait. C'est pas juste de l'open world pour de l'open world. Non, c'est le côté persistant peut être très intéressant à ce niveau-là. Assassin's Creed... Les idées sont infinies, hein, quand tu vois les idées qui peuvent être faites, ce qu'on peut faire par rapport à ça. Les idées sont là, maintenant on va voir si ça va être concrétisé, tout simplement. Les développeurs en ont toujours. C'est une façon d'utiliser aussi le public, quoi. Et ça, voilà. Mais tu regardes au niveau open world, je prends l'exemple d'Assassin's Creed, ça va être plus grand, ça va être plus beau, on pourra rentrer dans les maisons, mais ça va rester Assassin's Creed. De ce qu'on a vu du gameplay, c'est un pur assez et ça changera pas. Ils vont pas développer de grandes idées par rapport à ça. Là où Division a l'air beaucoup plus innovant de ce côté-là. Du coup, j'ai l'impression que de plus en plus, les développeurs font de l'open world pour de l'open world, parce que comme à un moment, c'était le truc cool de faire un Uncharted-like, c'est-à-dire un jeu un peu couloir, où t'as plein de types de gameplay différents, du shoot, de la plateforme, etc. Un arc. Une sorte de super genre, un arc, ouais. Arbalète aussi, voilà. Le chien. Enfin voilà, mais là j'ai l'impression c'est un peu l'open world, c'est un peu la tendance c'est le nouveau genre un peu à la mode. Enfin, parce que les consoles le permettent tout simplement. Hein. L'open world c'est pas un genre, mais voilà, les consoles le permettent, mais faut pas que ça soit vide. C'est ce que j'ai un peu peur. Avec ça, Arkham, le prochain Batman, Arkham, je sais plus comment il s'appelle. Arkham Knight. Et au niveau open world, il a pas l'air d'apporter grand chose d'intéressant, quoi. Après, on n'a pas vu grand chose non plus au niveau d'Arkham Knight. Non, hein, on a vraiment vu très peu de choses, hein, donc on verra. Mais wait and see, hein. Wait and see. Hein. Absolument. Alors une autre tendance qui se confirme notamment depuis que Sony est arrivé dans l'arène, c'est la réalité virtuelle. Oh, moi je dirais que c'est même pas avec l'arrivée de Sony, moi je dirais que c'est plus avec l'arrivée de Facebook. Trouves que ça a changé quelque chose depuis que Facebook a... Le stand Oculus, était aussi grand apparemment que le stand Nintendo, c'est ce que j'ai compris. Ouais, mais après non, je pense que le Facebook, ça se voit surtout par rapport aux... Les moyens donnés derrière, ils ont les moyens maintenant. Maintenant, on va dire que Oculus a les moyens... Maintenant, ils ont la moitié des développeurs, des grands noms du jeu vidéo qui sont chez Oculus, donc Oculus. Ils ont, et voilà, il faut bien comprendre que Facebook donne maintenant des moyens quasiment... Ça donne des possibilités quasiment illimitées à Oculus de se faire connaître et d'embaucher des gens. On voit qu'ils ont pas mal piqué chez Valve, ils ont pas mal piqué aussi chez... apparemment, il y a le mec de Sony Santa Monica qui arrive. Chez THQ aussi. Oui. Ouais. Mais eux, ils sont morts. Ah non, tu parles de Nordic Games, c'est ça? Le nouveau THQ. Je parle de l'ancien de Naughty Dog. Ah. Jason Rubin. Ah oui, c'est vrai que lui aussi est arrivé. Non, mais on voit que... c'est pour ça que je dis... Plus Sony avec Morpheus, mais c'est plus l'arrivée de Facebook derrière Oculus qui a quand même mis un coup de projecteur sur ça. Parce que le rachat a quand même été pas mal médiatisé. On sait qu'ils ont des projets, on sait que maintenant ils ont des projets jeux vidéo. Et avec l'argent de Facebook, ils peuvent être capables d'avoir des moyens, par exemple, d'éditer de gros jeux, de faire pas mal de choses quand même. Donc négliger Oculus dans les prochaines années. Après la force qu'a Sony par rapport à Oculus, c'est qu'on une base dans le sens où ils ont des consoles sur lesquelles jouer. Ils ont quand même un certain passif au niveau des consoles de jeux, au niveau des jeux. Ouais, mais leur avantage, c'est aussi leur inconvénient, c'est que Du coup, Morpheus, ça sera limité à la console de Sony. Voilà. Alors que Oculus, ça sera sur les PC, sur les PC consoles. PC et les consoles aussi, parce qu'apparemment, voilà. Oculus veut aussi s'investir là-dessus. Voilà, mais donc, on voit que... À voir si c'est juste compatible aussi avec Oculus, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que Après, il faut voir que Oculus a été compatible avec des jeux Valve, a été compatible avec des jeux Alien ID. Isolation. Hein. Alien Isolation, PC, quoi. Déjà. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait avoir le même fonctionnement sur les Xbox One ou... Mais de toute façon, PC supérieur, mec. mais plus sérieusement, on va dire que Oculus, on voit déjà qu'il y a du concret, il y a des choses concrètes qui ont été montrées, ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle. Donc vas-y, finis. Vas-y. Donc à un moment ou un autre, il va falloir que de toute façon ça le comment ils appellent le deuxième kit de développement va arriver là, celui HD qui apporte des nouveaux trucs. Donc ça va arriver en juillet. Ça aussi ça va être important à surveiller. Donc Moi il y a un truc que je qui pour moi ressort de cette E3, c'est que au niveau de la réalité virtuelle, c'est que ça fait maintenant 1-2 ans que on annonce que c'est le next big thing, qui va révolutionner le jeu vidéo, etc. Et pour l'instant on en reste à des concepts, et pour l'instant on en est encore à des dev kits qui sont loin d'être opérationnels. Je pense que de ce côté-là, Morpheus a un train de retard de toute façon par rapport à Oculus. Oui, parce qu'ils ont commencé plus tard. Ils ont commencé plus tard, et Oculus. Cela dit, Morpheus, ils ont des idées que n'a pas forcément eu Oculus au début, bah, et Oculus, qui les rajoute maintenant, voilà. Après avoir vu ce que faisait Morpheus. Oculus, on voit que par exemple. D'abord au départ, ils ont vraiment c'est pas sur des concepts propres, mais c'était sur des jeux qui étaient déjà sortis. Les premières présentations, c'était sur Doom 3 par exemple, tu vois. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire des jeux exclusifs Oculus que eux vont éditer et vont vendre? Ça c'est encore autre chose. Ça me paraît compliqué, hein. Moi ça me paraît pas compliqué, c'est il y a pas Facebook, compliqué, ils ont Facebook derrière. Et ils ont recruté tellement de monde qu'il va bien falloir en faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc des jeux 100% Oculus, édités par Oculus, développés même par Oculus, on pourrait même penser ça, c'est pas du tout impossible. Après on va voir ce que ça va donner concrètement, le business plan même d'Oculus, on va voir. Mais de toute façon, je vais te prendre un exemple, une métaphore, c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que ça chauffe. À un moment, il va bien falloir que ça sorte, tu vois. Donc, oui, mais quand est-ce que ça va sortir? Parce que ça fait un moment que ça chauffe quand même. Ouais. Bah, le problème, c'est que Oculus, faut pas oublier que Oculus a été présenté quasiment comme un projet universitaire au départ. Ça a été vraiment ouais, un petit projet. Après, ça a été kickstarté. Voilà, ça a été kickstarté. On a vraiment suivi l'évolution depuis 3 ans, 4 ans même. Ouais. On a vraiment suivi pas à pas. Alors que Morpheus, ça a été direct le gros projet de Sony qui a été présenté, tout ça. C'est-à-dire que Oculus, on a suivi le déroulement et on voit que c'est quelque chose qui a évolué peu à peu, quoi. C'est devenu le petit projet universitaire au gros truc commercial. D'ailleurs, j'ai même ici Oculus, donc voilà, je peux te le dire. Donc, c'est pas encore forcément totalement... Oh, ouais, qu'est-ce que tu crois? Tu dis rien? Eh ouais, je dis rien, moi, monsieur, je garde mes plans. En fait, il a vomi. Non, mais je l'ai dit. Du coup, dis-nous alors ce que t'as... Ouais, vas-y, comment que c'est, vas-y. Oh là là, bah, c'est comment? Évidemment. Mais non, fait la guillotine. Moi, je l'ai... Par contre, j'ai essayé... Le kit de développement que j'ai essayé, c'est le tout premier, donc avec l'écran un peu dégueulasse et tout. Moi, je trouve ça encore perfectible. Sur le premier kit de développement, c'était encore perfectible. Mais l'idée est là, quoi. Je veux dire, c'est la réalité virtuelle. Ouais, mais ça, on est tous d'accord que l'idée est là. De toute façon, tous ceux qui ont essayé ont dit c'est génial. Voilà, c'est un truc énorme qui va changer beaucoup de choses dans le jeu vidéo. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que ça fait un moment qu'on dit ça maintenant, et que là, ce qui a été présenté à l'E3, à part Alien, tout le reste, ça reste des concepts. Mais c'est parce que pour moi, comme je t'ai dit, je pense que Oculus a été présenté très tôt. C'est ça aussi. Oui. Non, c'est mais que ça, ça a été présenté très très tôt. Maintenant, je pense que le temps de cheminement de tout ça, il y a eu Facebook derrière. Maintenant, Facebook va aussi va mettre son grain de sel dedans. Donc, ils vont vouloir aussi faire leur truc avec Oculus. Donc, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Donc, moi, je pense que ça va aller. Il va falloir attendre encore 1 an et demi, 2 ans, voire même encore plus pour voir vraiment que ça... Ça commence à faire long, hein. Je pense que ah oui, ça commence à faire long, mais c'est avoir un retour sur investissement, ça va pas mal. C'est-à-dire que c'est le problème, c'est que c'est quelque chose qui a besoin d'être vraiment perfectionné, qui a besoin d'être. C'est une nouvelle technologie totalement. Voilà, quoi, c'est... totalement. Donc ça, il faut le temps de dompter ça, tout simplement. Il faut vraiment le temps. Moi-même, Morpheus, je vois pas ça. Ils annoncent ça pour 2015, non, il me semble. Je sais plus. Est-ce qu'il y a une date qui est annoncée? Je sais pas s'il y a une date. Je suis pas sûr. Voilà, donc moi je dirais même 2016 pour Morpheus, ce serait pas totalement impossible que ce soit même pas avant 2016. Donc et pour Oculus, faut pas oublier que même les premiers trucs qu'on a vus, c'était pas pour le grand public. Bien sûr, le grand public a pu l'essayer quand il y a eu les salons, mais le grand public concrètement, les kits de développement, à part les acheter pour frimer, oh j'ai Oculus et tout, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, avant que ça arrive, avant que ce soit vraiment commercialisé et tout, ça va prendre encore du temps. Exactement. Alors on va terminer sur une des dernières tendances. Un enterrement ? Oui, je pense. Par rapport aux annonces de Microsoft dernièrement, c'est bien parti pour. Le pire, c'est qu'il y a eu apparemment un vrai boost des ventes par rapport aux dernières nouvelles. Donc oui. Donc là, c'est la mise en retrait du motion gaming. Donc à l'origine, ouais. Donc c'était Nintendo notamment avec la Wii évidemment, mm-hmm. qui avait instauré ce principe-là, qui est arrivé ensuite avec Kinect sur Xbox 360 et le PS Move sur PS3. Souvenez-vous. Ouais. Mm-hmm. Et Kinect était devenu obligatoire pour les premiers acquéreurs de la Xbox One, ce qui n'est plus le cas depuis un mois, je crois à peu près. Et apparemment, on remarque que justement depuis le mois où ça a été annoncé. Depuis un mois, les ventes ont rebondi, donc voilà. Il y a pas de miracle. Hein. On voit que le public était pas, enfin, le public ne voulait pas de Kinect, quoi. Et surtout que c'était trop cher. Enfin, le prix de la toile avec Kinect était vraiment une vraie barrière pour les joueurs. Oui, et puis ça s'est ressenti sur les conférences, puisqu'on a eu que. Alors, on a eu deux jeux. Alors, en gros, on a eu le jeu danse, Dance Central, le nom exact. Ouais, 77. Voilà, il y a Dance Central Spotlight. Voilà. Et Disney Fantasia Music Evolved qui sont annoncés pour septembre et octobre, respectivement, 2014. Et j'ai envie de crier waouh! Et surtout, on sait maintenant, Dance Central, maintenant, c'est plus qu'un jeu en téléchargement. Alors, il reste encore évidemment Just Dance. Il reste encore l'histoire Just Dance, chez Ubisoft. Et il reste aussi le jeu. Ils se vendent plus des masses parce que maintenant la licence a été. Enfin, il s'est surtout vendu sur Wii. Ouais. Sur les autres consoles, il s'est beaucoup moins vendu. Il faudrait pas oublier aussi chez Ubisoft quand même, parce qu'il faut quand même. Il faut pas oublier Shape Up qui est aussi un jeu Kinect. Voilà. Donc voilà. De toute façon, Kinect, c'est. Ils l'ont toujours présenté comme ça, et ils ont un peu baratiné sur les jeux, ça a toujours été présenté surtout pour l'OS de la console. Ça fait cher pour l'OS de la console, quand même, pour 100 euros. Surtout, c'est annoncé aussi par rapport au nouveau Kinect, une reconnaissance améliorée. Voilà. Le problème de ça, c'est que, enfin, de Kinect 2, là. C'est que ça pompe des ressources sur la console, et c'est ça le plus grave, quoi. Et ça a été prouvé, hein, en plus, hein, c'est pas du tout. Je crois qu'il y a un gain de 15%. 15%, ça a été prouvé, donc voilà, c'est pas du pipeau, c'est vraiment, il y a vraiment un vrai, enfin, le Kinect pompait de la puissance, et là maintenant, ça a été récupéré par le retrait, donc. On voit que Microsoft s'est encore détaché, en fait, du modèle original de la Xbox One qui était, où le Kinect était vraiment central à la base. Ouais, bah ils sont complètement plantés sur la conception de la console, tout simplement. Donc on a ce qui avait le vent en poupe il y a encore 5-6 ans devient de plus en plus obsolète sur. C'est redevenu un accessoire. Voilà, c'est un truc comment dire là où Microsoft en avait fait quelque chose de central. Sur iKinect, sur d'autres consoles comme les consoles portables ou le gamepad de la Wii U, c'est un élément parmi d'autres comme un joystick, comme l'écran tactile ou n'importe quoi. Et du coup, ça c'est un outil parmi d'autres. Et il y a des jeux qui l'utilisent. Je pense par exemple Captain Toad l'utilise pour faire une sorte de Pokémon Snap. Enfin voilà. Et voilà, faut que ça soit utilisé intelligemment, avec parcimonie, et que ça soit pas un jeu pour faire un jeu motion gaming pour faire un jeu motion gaming, quoi. Voilà, c'est et Sony va continuer, je pense, à l'utiliser aussi avec Book of Spell, des trucs comme ça. Voilà, et ah oui, c'est vrai, motion, exact. Le motion gaming n'est pas mort en soi. La conception, c'est juste qu'il est retourné à sa place. La conception de Microsoft quand faisait une place centrale, ça c'est mort. Le motion gaming, c'est un outil parmi d'autres maintenant. C'est un accessoire, tout simplement. C'est-à-dire que le motion gaming qui devait être central est redevenu accessoire. C'est-à-dire que par exemple, si Nintendo revendait une Wii actuellement comme elle était la première fois, il se cracherait parce que ça marcherait plus. Et ils l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont fait le gamepad. Voilà. Tout à fait. À l'autre aussi, du coup, j'y repense par rapport où on parle du motion gaming, et est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la caméra de chez Sony qui existe, oui, qui est au même prix que le fameux Kinect de Microsoft, et que si vous souhaitez, quand ça sortira, quand ce sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries, si vous voulez jouer au fameux casque de réalité virtuelle de Sony, il faudra acheter la caméra avec. Oui. Parce qu'il y a un système de reconnaissance de mouvement qui est intégré à Morpheus. Absolument, ouais. Donc c'est aussi une chose à prendre en compte pour plus tard. Mm-hmm. Alors on va finir rapidement, chacun un jeu à retenir. T'es chiant. Ouais, mais c'est chiant, mais c'est comme ça. Je vous ai marqué, je vous donne envie de voir la suite de soit de savoir plus, soit de l'acheter à Day One. Sinon. Alors, un seul Smash Bros. Quand même. Putain, je l'ai oublié. Et tu te rends compte, je l'ai oublié. On l'a tellement vu que je l'ai oublié. Tu viens de couper l'herbe sous le pied, là. Non. Splatoon ? Putain. Moi, je vais dire Splatoon, parce que ça a été vraiment une surprise. Je m'y attendais pas du tout. Et ça a l'air vraiment très très fun. Et Nintendo qui se met à faire du online de qualité, j'espère. Ça, c'est cool. Alors, moi, je vais te piquer une autre de tes idées. Je vais te piquer Cuphead, qui a été présenté. Alors, on n'a pas vu grand-chose. Finalement, on a vu deux, trois images. Et j'adore ce un côté... Un trailer uniquement, et voilà. Et j'adore ce côté dessin animé des années 30. Graphiquement, ça, en tout cas, ça envoie du pâté. Quoi. J'aurais pu le citer aussi, mais on va dire que j'ai pas trop vu de gameplay pour vraiment en juger. J'ai vu le trailer, mais de ce qu'on voit dans le trailer et de trois images ailleurs, c'est surtout des combats de boss un peu. Mm-hmm. Voilà, mais en tout cas, le design est. Le design est magnifique. Ouais, hein. La direction artistique. Ah oui, non, mais ça dépote. Hein. Qui sont vraiment ça cool. Dépote à mort. Hein, pour l'avoir vu, ouais. Pour avoir vu quelques images vraiment, ouais, ça dépote au niveau de l'artistique. On aurait pu citer plein d'autres jeux, hein, parce qu'il y avait vraiment, malgré tout, malgré... En fait, je trouve que le show floor n'était pas représentatif des pré-conférences, enfin des conférences pré-3, qui montraient beaucoup de déjà-vus, des jeux annoncés l'année dernière, etc. Et sur le show floor, on a vu beaucoup plus de choses, notamment via les indés. Je pense par exemple à... Not a Hero, le nouveau jeu de Roll7, les mecs qui ont fait Devolver qui édite, ouais. Voilà, Devolver qu'on a annoncé encore plein de trucs. Un éditeur de niveau pour Hotline Miami 2, yes. ça va être bon. Et qu'on attend toujours Hotline Miami 2. Ah, ils mettent le temps, mais si c'est un bon jeu, moi je m'en fous qu'ils mettent 10 ans. Hein, mais qu'il est génial. Il y avait quand même, malgré tout, beaucoup de choses et beaucoup de gameplay. Et il y avait des très bons trucs qui arrivent bientôt. Qui ont émergé de ce salon, donc on va voir ce que ça va donner dans le futur et on va voir ce que ça va se concrétiser, tout simplement. Absolument, tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur le 3 2014. Ah, mais je pense qu'on a fait le tour. Et alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve rapidement pour une prochaine émission, évidemment. Mais ouais. Pour parler de jeux vidéo, pour parler totalement. D'animation. Tu seras là, Chino ? De quoi, si je suis là, mais bien sûr, je serai là. Je vais essayer d'être là. Ouais. On va voir, messieurs. Donc, on va se quitter alors sur la musique du trailer d'Evolve. Ouais. Juste topissime. Donc, ça s'appelle Mother, c'est une reprise par Lazy. Donc on se dit à bientôt, et puis amusez-vous bien surtout, et puis à bientôt sur du vidéo, du manga ou d'animation ou plein d'autres choses encore. À bientôt, ouais. Au revoir. Salut. Bisous, ciao. To walk my way, tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother, mother, can you keep them in the dark for life, can you hide them from the waiting world, oh, mother. Gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world, Father. Not about to see your light, but if you wanna find hell with me, I can show you what is high. Tell your your life, but if you wanna find hell with me, I can show you what is. Mother, tell your children not to hold my hand. Tell your children not to understand. Oh, mother. But if you wanna find hell with me, I'm gonna show you what it's like. Till you're bleeding, I'm not about to see your life. But if you wanna find hell with me, I'm gonna show you what it's like.